à ce séminaire sur les aspects concrets de la thèse, parce que j'étais heureuse quand j'ai appris il y a quelques mois l'existence de ce séminaire, parce que je trouve que c'est une très bonne initiative et je me suis réjouie. Donc je suis très contente, très heureuse de pouvoir y collaborer aujourd'hui. Donc ma proposition, ça serait d'essayer de parler en gros autour de 45 minutes à 1 heure. Ma proposition aussi, c'est surtout que vous m'interrompiez en cours, parce que c'est vrai, rien n'est plus difficile pour moi que de parler sans savoir si d'une certaine façon ce que je raconte répond un peu à vos préoccupations, et si, je ne sais pas s'il y a des choses que vous préféreriez voir explicitées tout de suite. Donc c'est vrai qu'il vaudrait mieux interrompre en cours d'exposer pour des questions qui sont des questions auxquelles on peut répondre rapidement, et puis peut-être de réserver plus pour la fin des questions qui demandent plus de réflexion. Mais en tout cas, sentez-vous libre, et même moi ça m'aidera si vous posez des questions en cours d'exposé. Donc, ça ne sera pas une découverte pour vous. Je voudrais d'abord vous dire, ce que vous savez sans doute bien, très bien les uns les autres, c'est que la thèse, il y a vraiment, en s'inscrivant en thèse, une prise de risque et une aventure dans laquelle vous vous lancez. Parce qu'entreprendre une thèse en sciences sociales, parce que j'avais surtout parlé de la thèse en sciences sociales, et je vous ai dit tout à l'heure que mon point de vue sera le point de vue d'une sociologue. Donc je connais le mieux, ce sont les thèses en sociologie. Enfin, je vais quand même essayer de m'intéresser aux thèses en sciences sociales de façon générale. Donc entreprendre une thèse et la poursuivre en dépit de toutes les difficultés, sans avoir de perspective souvent très claire sur l'avenir, c'est une aventure à laquelle les doctorantes ne sont pas toujours, vous me direz peut-être le contraire, j'en serais contente, ne sont pas toujours très bien préparées. Et je veux ajouter, si vous voulez, que les enseignants, ceux qu'on appelle actuellement quelquefois les encadrants, qu'on appelle aussi les directeurs, les directrices, eux ne sont pas non plus toujours très bien préparés à se lancer dans cette aventure. Est-ce que je peux juste vous interrompre? J'ai oublié quelque chose d'important. Oui. Je suis désolé. Oui. Est-ce que quelqu'un veut prendre en compte, veut prendre en charge le compte-rendu de la séance, en fait? Parce qu'on propose ça aussi cette année, que quelqu'un qui assiste fasse le compte-rendu écrit, et puis nous, on le publie sur le carnet. Quelqu'un veut le faire? Donc c'est Isabelle qui va faire celui de la... Non, c'est celui de la dernière fois. Oui, de la dernière fois, oui, il y a 15 jours. Est-ce que quelqu'un veut le faire aujourd'hui? Ou ça peut être a posteriori, mais ce serait bien... Quelqu'un veut se proposer? Non? Bon, je vous laisse réfléchir. Donc à la fin, vous mais voyez, si ce quelqu'un se propose, je pourrais éventuellement lui adresser les notes que j'ai préparées qui aidera... Voilà, donc avec le fichier audio pour reprendre les notes. Donc ce qui donnera un instrument quand même, parce que ce que je vais raconter, ça ne sera pas exactement ce qui est écrit, mais ça s'inspirera largement de ce qui est écrit là dans ces pages. Donc s'il y a quelqu'un parmi vous qui accepte de faire cet exercice, il a... Donc, ce qui me semble aussi important d'avoir en tête, c'est que la thèse, aujourd'hui en 2013, s'inscrit dans un monde scientifique et intellectuel qui est en transformation constante, où il y a une concurrence, vous le savez mieux que moi, de plus en plus forte pour les postes, mais il y a aussi une concurrence pour la réputation, pour la reconnaissance, parce qu'il me semble très important d'être reconnu par les autres, c'est-à-dire les autres... les autres étudiants, mais aussi les chercheurs, tout le monde scientifique, le monde des sciences sociales. Et dans ces transformations récentes, si vous voulez, auxquelles vous avez, que vous avez eu l'occasion d'analyser, j'insisterai sur les questions de bureaucratisation croissante, de nombreux dispositifs d'évaluation qui sont mis en œuvre. Parce que ce que je veux essayer de vous dire, si vous voulez, c'est que, ayant participé à la direction de thèse depuis de nombreuses années, ayant enseigné bien avant aussi, si vous voulez, j'ai assisté à des transformations de cette activité, parce qu'il y a maintenant, dans ce que j'appelle la bureaucratisation croissante et il y a par exemple une imposition de faire la thèse en un temps plus court que par le passé. On pouvait faire la thèse en autant d'années qu'on voulait. Actuellement, le temps de préparation de la thèse est souvent fortement encadré. Ici, c'est vrai que je vous ai dit, je vais parler surtout d'un point de vue venant de l'école des hautes études en sciences sociales, avec toutes ses traditions, son histoire spécifique, et ce qui fait qu'on peut continuer à faire la thèse plus d'années que le temps théoriquement obligatoire proposé par le ministère. De façon globale, si vous voulez, il y a quand même de nombreuses pressions que j'appellerais des pressions. Bon, il y a des pressions bureaucratiques de plus en plus fortes. Dans les difficultés, dans les transformations aussi, qui ne vont pas dans un sens facile, il y a plutôt une réduction plutôt qu'un accroissement de ce qui s'appelle des allocations de recherche, des bourses de recherche, etc. Donc la réalisation de la thèse, je pense, est plutôt devenue plus difficile et plus incertaine actuellement qu'il y a par exemple 20 ou 30 ans. Et les relations, donc est-ce qu'on va parler ici de directeur, directrice et doctorant, doctorante, qui sont les mots les plus anciens? Dans le vocabulaire actuel, il y en a parmi vous qui préféraient peut-être parler d'encadrant plutôt que de directeur, directrice. C'est vrai que j'ai plutôt eu l'occasion de parler de directeur, directrice, mais on peut bien évidemment utiliser d'autres notions. Actuellement, on s'aperçoit aussi que certains directeurs se veulent plus des accompagnateurs. Mais en même temps, je voudrais vous dire qu'il y a différents mots pour désigner les directeurs, et il y a différents mots pour désigner aussi les doctorants, les étudiants, celles et ceux qui sont encadrés. Et donc, les changements, si j'insiste beaucoup là-dessus, c'est parce qu'il y a des changements très importants dans tous les modèles de la vie collective et dans les modèles de carrière dans un laboratoire ou dans un centre de recherche. On a un poids, si vous voulez, qui est de plus en plus fort de ce que j'appellerais, moi, toutes les logiques gestionnaires. Je ne dis pas qu'avant, c'était les logiques scientifiques qui guidaient le plus, enfin, j'espère que c'était les logiques scientifiques qui guidaient le plus la préparation de la thèse. On est de plus en plus soumis, parce qu'on est dépendant d'institutions pour lesquelles on doit faire des rapports chaque 4 ans ou chaque 5 ans, parce que nous sommes tous, vous et nous les enseignants, soumis à des évaluations où on nous demande les articles publiés, où on nous demande les thèses dirigées, où on nous demande ce que sont devenus nos étudiants. Donc vous aussi, vous êtes pris en compte dans les rapports d'évaluation des laboratoires auxquels vous êtes associés. Donc les conditions de préparation de la thèse se sont transformées. Et pour essayer de résumer rapidement, je dirais que la thèse, qui a auparavant, il y avait une relation du type maître-disciple, ça s'inscrit maintenant dans un système plus large de relations. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un doctorant ou une doctorante qui va être en relation à la fois avec son directeur ou sa directrice, mais qui va être en relation aussi avec d'autres enseignants, qui peut être en relation avec un co-directeur de thèse, qui peut être en relation avec d'autres enseignants-chercheurs. Vous suivez plusieurs séminaires, vous êtes en relation avec d'autres étudiants-chercheurs. Et moi, j'ai toujours, je pense que c'est une des choses les plus importantes qu'on peut faire dans un séminaire, c'est de développer ces relations avec les autres étudiants-chercheurs. C'est-à-dire que je pense que déjà, ce groupe que vous constituez ici, ça vous donne une chance formidable grâce au blog, grâce à d'autres moyens de communication, que ça vous donne une chance énorme de travailler ensemble et de profiter des expériences des autres. Donc, le directeur ou la directrice n'est plus toujours le seul responsable de l'encadrement, hein, puisqu'il y a maintenant des thèses en co-tutelle. Ce qu'on appelle thèses en co-tutelle, c'est plutôt des thèses avec des directeurs qui sont de deux pays différents. Par exemple, Vous êtes vous-même donc Sébastien est lui-même en co-tutelle entre l'université et... L'université libre de Bruxelles et le HESS. D'accord. Donc vous pouvez avoir entre le Canada, la France, entre la Russie, à condition bien sûr qu'il y ait une convention de co-tutelle signée dès la première année de thèse entre les deux institutions. Mais vous avez aussi des cas, par exemple, où il peut y avoir deux co-directeurs, c'est-à-dire, quand on dit deux co-directeurs qui sont, par exemple, tous les deux dans des institutions françaises différentes, souvent, ce n'est pas exactement vraiment co-directeur, parce qu'il peut y avoir un qui a l'habilitation, qui a le droit, et un autre directeur qui participe très, très activement, mais qui n'a pas exactement le même statut ou le même poids. Et puis ce qui se développe actuellement, ce sont on y reviendra à la fin de mon exposé, ce sont ce qu'on appelle des comités de thèse, des comités de suivi de thèse, où là, au lieu d'avoir à faire seulement un étudiant, un directeur, une directrice, il y a un groupe composé de 3 ou 4 personnes qui vous aide dans l'accompagnement de la thèse. Ce qui existe aussi, par exemple, dans le laboratoire où je suis, l'IRIS, ce sont des... Il n'y a pas de comité de thèse de façon formelle, mais il y a des... Il peut y avoir de façon plus informelle, à l'intérieur d'un centre de recherche, des relations privilégiées avec un directeur ou une directrice, mais aussi des relations avec 2 ou 3 autres chercheurs du laboratoire qui s'intéressent à votre projet, qui vous aident, qui vous orientent, etc. Donc, ce que je voudrais essayer de développer 4 points principaux, mais ce que je rappelle, c'est que ce que je vous redemande, c'est de poser des questions, s'il y en a, pour ne pas parler, je ne voudrais pas avoir l'air de parler. Enfin, j'aimerais mieux avoir des questions. Donc, mon premier point qui me semble important, c'est de vous rappeler que cette relation entre le directeur, la directrice et puis le doctorant, la doctorante, c'est une relation sous contrainte. Ça sera mon premier point. Ensuite, j'insisterai beaucoup sur le fait que ces relations, ce sont des relations d'échange. Ça sera le deuxième grand point. Dans un troisième point, j'insisterai sur le fait qu'il s'agit de relations de pouvoir, c'est-à-dire que en même temps ce sont des relations d'échange, ces relations entre le doctorant et le directeur, la directrice, ce sont des relations de pouvoir. Et puis, pour essayer de répondre, je crois, aux questions qui m'étaient posées au départ, je reviendrai sur ce point de toutes ces transformations dans l'encadrement doctoral et dans les relations directeur-doctorant. Donc, le premier point autour des contraintes et d'un accord et de relations qui sont des relations sous contrainte. Parce que j'imagine que vous avez tous et toutes signé au tout début de votre inscription en thèse une charte de thèse. Et cette charte de thèse qui est signée en tout cas en France par les doctorants et leurs directeurs, qui est signée par les responsables du laboratoire, responsables de la formation doctorale, de l'école doctorale. Et il peut y avoir, en gros, il y a des traits communs à tous les établissements, mais en même temps, chaque université ou chaque école a des règles spécifiques, enfin, peut adopter des points différents dans cette charte des thèses. Et cette charte des thèses, elle définit des engagements réciproques. C'est-à-dire que dans la charte des thèses, que j'espère vous avez tous et toutes signée, le directeur, lui, il s'engage à suivre régulièrement le doctorant, à débattre avec lui de la progression du travail. Il s'engage à débattre des orientations nouvelles de son travail. Le doctorant a droit à un encadrement personnel de la part de son directeur. Le doctorant, si vous voulez, parce qu'il y a des devoirs et des droits du directeur et des devoirs et des droits du doctorant, donc le doctorant, lui, on lui demande de fournir des documents écrits qui sont indispensables à l'exercice des responsabilités du directeur ou de la directrice. Donc la charte des thèses, elle dit que l'accord est, je cite entre guillemets, est librement conclu entre directeur et doctorant. C'est-à-dire que personne ne peut forcer un doctorant à s'inscrire avec tel directeur et personne ne peut forcer absolument. Donc dans la théorie, l'accord est librement conclu, mais je pense que cet accord, il est quand même conclu sous contrainte. Donc, il y a un accord sur le choix du sujet, un accord sur les conditions de travail. Et cet accord, il semble qu'il est souvent le résultat d'un compromis. Je crois que dans les chartes de thèse, on n'utilise pas tellement le terme de contrat. D'une certaine façon, on pourrait préférer qu'il y ait une forme de contrat, hein, plutôt que charte. Mais là, on pourrait en discuter. Et donc, ce qu'il semble, en tant que sociologue, si vous voulez, c'est que les attentes du directeur, de la directrice et de la doctorante sont souvent diverses et bien des fois contradictoires, hein, et qu'il y a des malentendus nombreux et souvent graves dont vous pourriez beaucoup mieux témoigner que moi. Si je prends du côté des enseignants-chercheurs, bon, au départ, les enseignants-chercheurs, s'ils acceptent d'inscrire un étudiant, je ne dirais pas toujours masculin, féminin, un étudiant, une étudiante, mais chaque fois que je dis un étudiant, bien évidemment, ça veut dire un étudiant ou une étudiante. Donc, du côté des enseignants-chercheurs, en général, s'ils acceptent d'inscrire un étudiant ou une étudiante, c'est qu'il y a un intérêt pour le projet et l'objet de la thèse, qu'il a envie de nouer un dialogue, un échange avec celui qui s'inscrit avec lui. C'est en général parce qu'il a deviné, en lisant le projet et en ayant une première rencontre, qu'il y avait un dialogue possible, qu'il y avait des choses à faire ensemble. Ça peut être aussi parce que l'enseignant, il a envie de voir explorer un terrain. Hein, c'est-à-dire l'enseignant, il doit avoir envie d'aider, de faciliter le travail, mais ça peut être aussi parce qu'il a envie qu'un terrain ou un domaine de recherche qui l'intéresse lui directement soit exploré par les étudiants. Il peut avoir aussi, l'enseignant, l'espoir de voir vérifier des hypothèses, l'espoir d'obtenir des données qui l'intéressent. L'espoir aussi, excusez-moi, d'étendre son domaine de recherche ou de renforcer son équipe. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que quand on parle des relations directeur-directrice, doctorant-doctorante, mais que les directeurs, il y a une gamme infinie de directeurs-directrices. C'est-à-dire que vous pouvez en avoir parmi vous qui ont des directeurs-directrices qui s'apparentent plutôt à quelqu'un qui serait du profil du côté de l'ancien mandarin, et d'autres parmi vous qui auront plutôt un directeur ou une directrice qui s'apparente plus à un accompagnateur. Et ce qui me semble important de vous dire aussi, c'est que parmi les enseignants, pour certains, en particulier ceux qui sont professeurs d'université, bon, la question de l'encadrement fait partie véritablement et capitale pour eux. Mais je ne suis pas sûre que pour tous mes collègues, l'activité d'encadrement de thèse soit la priorité. Donc malheureusement, il faut le savoir, l'encadrement des thèses et des masters est parfois, je ne voudrais pas dire souvent, une activité secondaire pour celles et ceux qui dirigent les thèses. Du côté des étudiants-chercheurs, hein, puisque là aussi le vocabulaire est différent. Quelquefois, on parle de doctorant-doctorante, et nous, dans notre laboratoire, on préfère parler d'étudiants-chercheurs pour montrer qu'il s'agit effectivement d'un groupe qui est à la frontière entre des étudiants et des chercheurs, qui sont un peu entre deux. Donc, si je parle des étudiants-chercheurs, en s'inscrivant en thèse, il peut y avoir une vocation de chercheur, une passion pour la recherche, un espoir de réaliser une thèse, une recherche originale. Mais il y a aussi souvent contrainte. Je pense en particulier aux étudiants étrangers, mais ça peut arriver aussi à des étudiants français, qui ont tout d'un coup, enfin pas tout d'un coup, où il y a l'obligation de s'inscrire rapidement avec quelqu'un. On peut avoir voulu s'inscrire avec tel ou tel enseignant qui a une grande réputation, lequel enseignant n'a pas accepté ou n'a même peut-être pas répondu à votre demande, ou bien a demandé à un collègue, vous a réorienté vers un autre collègue. Donc, très souvent, si vous voulez, ce que je veux dire, c'est que Oui, on dit c'est un libre choix, mais ce n'est pas forcément... Bon, vous me direz, c'est comme dans les histoires de mariage, qu'il y a des mariages d'amour et des mariages forcés, et des mariages... enfin, qu'il y avait des mariages forcés, mais qu'il y en a encore, et qu'il y a des mariages contraints. Mais ce qui me semble en tout cas caractériser véritablement la relation enseignant-chercheur, étudiant-chercheur, c'est qu'il y a contrainte et qu'il y a parfois nécessité d'un compromis de la part de l'étudiant avec un directeur ou une directrice qui n'était pas forcément celui avec qui ils avaient au départ envie ou l'espoir de s'inscrire. Donc les relations se nouent, hein, parce que souvent ça se noue par, enfin très souvent ça se noue par mail au départ. Avec Sébastien Cap, on a échangé beaucoup de mails, c'est donc la première fois que je le rencontre. Donc des relations se nouent, mais elles peuvent se nouer sur, bon, elles peuvent se nouer pour le meilleur, mais elles peuvent se nouer sur un malentendu. C'est-à-dire qu'un directeur peut vous dire oui, j'accepte, et puis après. Bon, après, vous n'aurez pas forcément toujours autant de nouvelles de lui que ce que vous voudrez, ce que vous aviez espéré. Donc, ces relations aussi, ce qui me semble important de vous dire, c'est que les relations entre le directeur, la directrice et l'étudiant-chercheur, elles n'arrêtent pas de se renégocier, de se renouer à mesure que la thèse avance. Ce n'est pas les mêmes en début de thèse, et en cours de thèse et en fin de thèse. Alors, s'agit-il de relations plutôt d'échange ou s'agit-il de relations de pouvoir ? Il me semble qu'il y a des deux à la fois, que ne prendre en compte que les échanges ou que les rapports de pouvoir, ça risquerait de conduire à une forme d'aveuglement. Donc, je voudrais vous parler, si vous voulez, d'abord de ce qui est le plus idéal et puis qui est en même temps réel, ce sont des relations d'échange. C'est donc mon deuxième grand point. Ces relations d'échange entre le directeur, la directrice et l'étudiant-chercheur, ce sont les relations les plus visibles et les plus saisissables. Ceci dit, ces relations, qu'est-ce qui s'échange dans ces relations ? Ils s'échangent des informations, ils s'échangent des données, ils s'échangent des expériences, des découvertes, des questionnements, des savoirs, mais ils s'échangent aussi des inquiétudes, ils s'échangent aussi des émotions. Et ce qui me semble important, et c'est lié un peu au second point des relations de pouvoir, c'est que si vous voulez, bon, certaines ou certains pourront dire que ces relations sont des relations d'échange complet. Je n'y crois pas, si vous voulez. Je pense qu'il faut avoir plutôt dans la tête quand même qu'il s'agit de relations qui sont quelque part asymétriques. Que l'un ou l'une, un enseignant-chercheur est plus expérimenté, a mené des recherches, il encadre l'autre, mais il ne s'agit pas, quand j'ai dit asymétrique, je n'ai pas dit à sens unique, puisqu'il peut y avoir, et il y a heureusement souvent, confrontation de points de vue et des compromis souvent nécessaires. Quand je disais, si vous voulez, que les relations étaient souvent asymétriques, je m'appuierai là sur Howard Baker, hein, qui, dans son livre « Écrire les sciences sociales » que j'ai cité avant votre arrivée, rappelle que les doctorants qui préparent une thèse savent bien qu'ils ne sont pas encore des intellectuels de profession. Et, si vous voulez, ce qu'il faut que vous ayez dans la tête, c'est que les enseignants-chercheurs, ils apprennent, quand je dis quand même qu'il y a une relation d'échange, c'est parce que les enseignants-chercheurs, ils apprennent avec les étudiants-chercheurs. Donc, la transmission peut s'effectuer, c'est-à-dire qu'à la fois elle est asymétrique, mais elle peut s'effectuer dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a transmission d'une part d'un plus d'expérience, d'un questionnement, etc., mais les enseignants apprennent aussi avec les étudiants-chercheurs. Et ce qui me semble important, si vous voulez, c'est de vous dire que la valeur des uns contribue à établir la valeur des autres. Et là, je me réfère à Pierre Bourdieu, dans son livre « Homo Academicus », qui écrivait, « Le patron est choisi plus qu'il ne choisit. Et la valeur de ses élèves, qui sans être pour autant des disciples, lui accorde pour autant lui accorde néanmoins une forme de reconnaissance intellectuelle, contribue à faire sa valeur, comme il contribue à faire la leur. C'est-à-dire, je pense que c'est nécessaire que vous soyez conscient que vous contribuez, d'une certaine façon, à établir la valeur des enseignants qui vous encadrent, qui vous dirigent. Et parce que si, disons que si un tel enseignant, les autres savent qu'il a de très bons doctorants, qu'il a de très bonnes thèses soutenues avec lui, etc., ça va contribuer fortement à augmenter, enfin, ça va contribuer, oui, fortement, à augmenter la valeur de l'enseignant-chercheur. Et d'autre part, si vous savez vous-même que suivant que vous êtes inscrit avec, on va dire, un des grands noms de la sociologie, de l'anthropologie, de l'histoire, de l'économie, etc., ou bien au contraire, plutôt avec quelqu'un qui est en début de carrière, peu connu, etc., votre thèse n'aura pas toujours exactement la même valeur. Parce que, là, je prends le cas français, si vous voulez, au moment de la recherche d'un poste, une des choses qui est très fortement regardée, c'est le rapport du jury de thèse. Et là, tout de suite, on regarde avec qui l'étudiant chercheur a soutenu sa thèse, qui était son jury, qui était son directeur de thèse, etc. Donc, ça me semble, enfin, cette importance là de, enfin, ça me semble important ce thème d'avoir en tête qu'il y a un échange de valeurs. Et puis, ce qui s'échange, c'est aussi de la reconnaissance entre les uns et les autres. Et ce qui s'échange, c'est surtout des conseils et des propositions. Je rappelle que je préférerais s'il y avait des questions. Si, n'hésitez pas à m'interrompre. D'accord. Non, parce que quand je m'inspire, je dois le dire aussi, largement d'un texte pour un prochain livre qui paraîtra ou cette année ou l'année prochaine aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales. Donc ce livre, le titre provisoire, c'est... Je crois que c'est l'écriture d'une thèse en sciences sociales. Donc, il sera, enfin, qui a été adressé aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales par Sébastien Kapp et Moritz Hunsmann qui coordonnaient le séminaire l'année dernière. Et donc, dans ce livre, il m'avait été demandé un petit texte sur le sujet que je développe aujourd'hui. Donc, je m'inspire pour une part du texte que j'ai donné pour ce livre qui paraîtra, si tout va bien, cette année, sinon l'année prochaine. Donc, si j'en reviens aux échanges de conseils, si vous voulez, là, je pense que les conseils, ce qui s'échange du point de vue des conseils, ce sont des choses très, très diverses. Il y a des conseils qui peuvent être demandés au directeur, à la directrice, qui peuvent être inattendus, qui concernent la vie, c'est des conseils qui concernent la vie scientifique, le contenu de la thèse, la définition de l'objet de la thèse, l'approche choisie, les lectures, la culture scientifique, la quantité de travail, le choix des méthodes de recherche, le travail de terrain, la détermination de l'échantillon à étudier. Moi, je sais qu'une des questions qui m'a souvent été demandée, c'était combien d'entretiens est-ce que je dois faire ? Ça, c'est une question, si vous voulez, enfin, je ne sais pas si vous avez posé, mais en sociologie, c'est une question qui m'est vraiment revenue tout le temps. Et si je, et donc, ça s'apparente pour moi à une espèce de marché. Et si je dois faire 15 entretiens, si je fais 15 étudiants, est-ce que ça, 15 entretiens, est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il faut en faire plus, etc. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a des conseils, il y a des attitudes des étudiants qui sont très différentes les unes des autres et des attitudes des enseignants très différentes les unes des autres. Donc dans les conseils, vous en demandez aussi sur la manière de construire la thèse, le plan, l'analyse, la rédaction. Un de mes collègues critérait et disait ne passez pas votre temps à refaire des plans de thèse, hein, parce que on pourrait passer, il y en a qui passent des années à refaire un plan de thèse. Je ne pense pas que ce soit effectivement la meilleure manière d'avancer. Dans les conseils qui s'échangent, il y a bien sûr tout le travail à côté de la thèse, la valorisation, la participation à des colloques, à des conférences, à des tables rondes, le choix des colloques, l'insertion dans des réseaux de recherche, la question des publications dont vous avez parlé il y a 15 jours. Souvent très préoccupantes, hein, dans toutes les questions, les échanges avec votre directeur, ce sont toutes les questions économiques matériel et professionnel. Donc là, je pense que du côté des enseignants, il y a des attitudes très différentes. Il y a des enseignants qui acceptent, très largement, qui acceptent ce dialogue sur toutes ces questions de la vie économique, de la recherche d'un travail, et puis d'autres enseignants qui ne s'intéressent pas beaucoup à ces questions économiques. Et ça, il faut savoir que ça existe aussi. Donc, ce qui me semble, si vous voulez, c'est que si vous vous inscrivez en thèse à un moment donné avec un directeur ou une directrice, ça veut dire quand même qu'il faut essayer, enfin moi je vous recommanderais d'accorder plutôt du crédit à votre directeur, aux conseils qu'il vous donne, et de les prendre plutôt au sérieux. Hein. Parce que vous n'allez pas vous engager pour 3 ans, 4 ans, 5 ans, j'ose pas dire, ou plus, avec un directeur ou une directrice, sans lui accorder du crédit. Mais tout ça, ça ne veut pas dire qu'il faille attendre de votre directeur des certitudes. Hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas transformer votre directeur en quelqu'un qui a tous les savoirs et qui peut vous apporter des certitudes. Ce que vous avez le droit d'attendre de votre directeur, c'est d'être reconnu par lui, qu'il ait une qualité d'écoute hein, de ce que vous lui dites, de ce que vous lui demandez, que votre directeur sache vous poser des questions importantes sur votre thèse, sur votre manière de conduire votre thèse, qu'il vous aide à lever les censures, hein, parce qu'il y a quelquefois des étudiants qui se censurent eux-mêmes, le directeur et la directrice doivent avoir un rôle d'encouragement. Et j'ajouterais aussi que le directeur ou la directrice aide à reconnaître ce que Max Weber appelait des faits inconfortables. Des faits inconfortables, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des faits qui sont souvent désagréables à l'opinion personnelle d'un individu. Parce que quand vous faites une thèse, il y a quelquefois des choses... Vous obtenez tout d'un coup, à partir de votre enquête, vous faites une enquête sur le terrain, en sociologie, en anthropologie, et d'une certaine façon, ça ne marche pas exactement comme vous pensiez que ça allait marcher. Donc je pense que le directeur ou la directrice, il doit aussi vous aider à voir les faits inconfortables. C'est-à-dire, ce que je pense, moi, si vous voulez, c'est pour ça que je disais au départ que la thèse c'était une aventure, il ne faut pas se lancer là-dedans, si on n'a pas une grande qualité d'écoute, d'attention, hein, à la fois aux autres, mais aussi à tous ces faits inconfortables qui ne vont pas forcément dans le sens des qui ne vont pas forcément vérifier les hypothèses que vous aviez au départ. Et un collègue qui lui est professeur de gestion, qui s'appelle Michel Berry, lui note que le directeur de thèse, il doit empêcher le thésard de fuir vers les idées faciles, les conseils à la mode, sans le décourager pour autant, et que le directeur de thèse doit savoir reconnaître l'émergence d'une idée féconde et encourager le thésard à l'approfondir. Donc ce qui me semble important, c'est d'apprendre à connaître et à jauger votre directeur de thèse. Je disais qu'il ne fallait pas attendre de lui des certitudes, mais il faut quand même lui faire un certain crédit. Donc ça veut dire qu'il faut que vous portiez un jugement sur la valeur de votre directeur, sur ses conseils, qu'il faut connaître son champ de compétences. Hein, c'est-à-dire, je vais vous dire, vous n'êtes pas obligé de lire tout ce qu'il a écrit, mais il faut quand même savoir ce qui relève de son domaine et ce qu'il connaît moins bien. Il ne faut pas attendre tout de lui. Donc il faut connaître sa manière d'aborder les questions, sa manière d'écrire, ses bons côtés, mais aussi ses mauvais côtés. Et il me semble qu'il faut savoir distinguer dans les conseils de votre directeur de thèse les conseils qu'il faut prendre au sérieux, avec une grande attention, et puis des conseils qu'il faut relativiser complètement. Hein. Parce que tout n'est pas à prendre avec, de la même façon dans les conseils qui vous sont donnés. Donc jusqu'à quel point... Alors moi, c'est difficile hein, de définir une ligne, puisque la ligne va être très différente pour les uns et les autres. Donc c'est vous qui, en fonction de l'expérience, devez apprendre à jauger votre directeur ou votre directrice. Et il faut bien sûr essayer de savoir, est-ce que celui-ci ou celle-ci s'intéresse à ses doctorants, à son enseignement ? Il y a des directeurs qui sont plus ou moins exigeants. Moi, je pense qu'il vaut mieux un directeur plutôt exigeant qu'un directeur trop laxiste. Enfin, ça, c'est un point de vue qui n'engage que moi-même. Il y a des directeurs qui sont plus ou moins intéressés, plus ou moins engagés, plus ou moins amicaux. Il y a des directeurs qui prennent beaucoup, beaucoup d'étudiants en thèse et qui n'arriveront pas à s'occuper de tous. Il y a d'autres directeurs qui, par exemple, s'intéressent principalement à leur recherche et qui vont d'une certaine façon méconnaître assez totalement tout ce qui concerne l'activité de direction de thèse. Donc là, c'est vrai que ça n'est pas toujours facile pour l'étudiant. Excuse-moi. Oui. Du coup, j'avais une question, c'était par rapport à ce que vous avez dit. Oui. Sur un directeur de recherche qui peut avoir beaucoup d'étudiants pour la recherche, finalement, ah. Qui aura un nombre à partir d'un certain nombre. Oui, à peu près. Ouais. C'est plus gérable. Oui. Bah, ça veut dire. Merci beaucoup de cette question. Donc, si vous voulez, en tant que sociologue, je me méfie un peu des nombres trop précis, si vous voulez, parce que ça existe, je ne sais pas, ça existe des normes qui sont recommandées, mais en général, c'est au moment du master, plus qu'au moment de la thèse. Et d'autre part, ça existe des rappels, enfin, moi j'ai déjà vu ça, des rappels à l'ordre à des enseignants qui prenaient beaucoup trop d'étudiants. Après, est-ce qu'on va dire, si vous voulez, parce que vous apercevez, ayant vu des situations très différentes, qu'il peut y avoir des lieux où on va dire qu'un enseignant-chercheur ne doit pas avoir avec lui plus de 10 doctorants. Un autre endroit, on va dire qu'au-delà de 5, il ne peut plus. Et moi, j'ai connu des directeurs et des directrices qui en ont eu... je ne peux pas dire si c'était 20, 30 à la fois ou plus. Donc, je pense, si vous voulez, c'est difficile... Enfin, moi, ça me semblerait difficile de dire aujourd'hui, surtout méfiez-vous s'il en a déjà 5 ou s'il en a déjà 10, il ne peut pas avoir un de plus, parce que ça dépend quand même pour une part de la manière... Enfin, et puis, ça dépend aussi des doctorants eux-mêmes, hein, parce que je vais vous dire, il y a des doctorants eux-mêmes qui demandent pas énormément, énormément de travail à leur directeur ou à leur directrice, parce qu'ils sont déjà très très bien formés, ont fait un excellent master, ils conduisent eux-mêmes fortement leur thèse, et il y a des doctorants qui demandent un travail énorme à leur directeur ou directrice, parce qu'ils n'ont pas eu la formation antérieure nécessaire, donc il faut qu'il y a un travail d'attention, d'écoute de tous les jours. Donc, vous auriez une idée sur le... C'est réglementaire, en fait, dans la charte des thèses, il y a un paragraphe là-dessus. Mais qui dit... Qui dit que c'est normalement 5 doctorants. Total. Alors, voilà. Non. Ah, oui, non. Les normes se lisent toujours entre les lignes, en tout cas souvent, à savoir 5 par personne ou 5 par année d'inscription. Ah ouais, donc en gros, c'est entre 5 et 50. Ouais. Voilà. Et c'est une question que je me rappelle qu'on avait posée avec Moritz à une certaine époque... au conseil scientifique de l'école, etc. Ouais. Et on nous avait dit, vous savez, on peut très mal encadrer un seul doctorant et en encadrer très bien 10 à la fois. Donc c'est plus une question de qualité qu'une question de quantité. Et comme dit Monique, là-dessus, je crois que vous avez tout à fait raison. C'est une relation. Donc ils vous gèrent pas comme on gère des têtes de bétail, en fait. Hein. C'est pas une question de productivité, en fait. C'est une question de comment la relation se passe. Ça, c'est vrai. Mais je pense, si vous voulez, que si un directeur, une directrice a effectivement 50 étudiants, bon, là, il y a fortes chances. Là, je suis en train de penser à un collègue qui, lui, était en province, qui encadrait un nombre énorme de thèses, qui me demandait de temps en temps de venir participer à un de ses jurys de thèses. Bon, je suis désolée, ça se voyait au moment de la soutenance de thèse que l'étudiant ou l'étudiante n'avait pas eu vraiment un encadrement très... Enfin, qu'il n'y avait pas eu un suivi très... Enfin, qu'il n'y avait pas eu un suivi aussi important que nécessaire. Donc, ça répond un peu... Je crois que l'enjeu, c'est plus de savoir... Je ne sais pas si on doit faire de la pédagogie ou plus de la prévention du risque avec cette thématique-là, en fait, de dire c'est pas trop un enjeu de normes ou un enjeu de quantification, mais de savoir ce qu'on devrait faire quand ça se passe mal, en fait, pour améliorer la relation, si on veut le voir plutôt comme ça. Ouais. Donc on va parler un petit peu de... Ah oui, ce que je vous... Donc, on va parler... Pardon, oui. Pardon, excusez-moi, parce que j'ai un problème d'audition. Oui, donc, oui, on peut... Enfin, donc, on va... Après, je reviendrai en arrière, mais je vais prendre, puisque c'est... ça suit à la fois deux questions. Techniquement, oui, on peut changer de directeur de thèse, mais je voudrais vous faire deux recommandations. D'une part, ne jamais changer de directeur de thèse si vous ne savez pas avec qui vous allez vous inscrire après. Parce que vous risquez de vous trouver devant un vide qui pourrait être enfin très fâcheux. Donc, si vous voulez, moi je pense et je connais des cas où le changement de directeur de thèse s'est extrêmement bien passé. Parce que l'idéal, c'est les cas où le changement de directeur s'effectue par un accord, d'une certaine façon, entre l'étudiant concerné, l'ancien directeur qui accepte que l'étudiant parte avec quelqu'un d'autre et le nouveau directeur. Donc ça, c'est un cas idéal où, d'une certaine façon, un étudiant, il était inscrit avec un directeur qui d'une certaine façon, ne se sentait peut-être pas le plus compétent pour diriger la thèse en question. Et finalement, il y a une réorientation. Et là, il y a un changement de directeur qui se fait... Enfin, je veux dire, avec l'accord des trois. Donc ça, c'est une très bonne solution. Bon, il y a des cas beaucoup... Et il y a d'autres cas beaucoup plus graves où là, il y a un désaccord. Donc c'est pour ça que je disais que le choix du directeur au départ est très important puisque, disons qu'il vaut mieux quand même essayer de se dire, quand on s'engage dans une thèse avec un directeur ou une directrice, qu'on va faire la thèse avec lui ou avec elle. En même temps, c'est pas un contrat qui vous lie... C'est pas un contrat qui vous lie à vie, donc il y a la possibilité de changer, mais je recommanderais personnellement de n'envisager ça que s'il y a vraiment des raisons sérieuses. Alors vous me direz, qu'est-ce que c'est les raisons sérieuses? Ces raisons sérieuses, je pense, bon, c'est vous qui êtes le mieux ou la mieux placé hein, pour savoir si ces raisons sont vraiment sérieuses, mais moi je conseillerais fortement d'en discuter avec d'autres étudiants chercheurs, d'en discuter éventuellement s'il y a un cas grave, c'est un cas grave de désaccord. Il y a toujours un responsable, enfin, il y a toujours d'autres chercheurs dans le laboratoire auquel vous êtes rattaché. Il peut y avoir aussi la possibilité de rencontrer le directeur ou la directrice de laboratoire, la possibilité de rencontrer le directeur ou la directrice de la formation doctorale hein, pour demander conseil. C'est-à-dire, je pense que c'est une décision qu'il faut prendre quand même. Et puis, on peut quelquefois changer de directeur dans la même institution ou changer complètement d'institution. Oui. C'est-à-dire, si vous entendez mal avec votre directeur, excusez-moi, c'est dans le cas où il y a un désaccord avec votre directeur. Non, il y a des insuffisances. Non, si vous avez... Parce que donc, je rappellerai, j'aurais sans doute pas le temps de développer tout, mais je rappellerai quand même que tout à l'heure, j'avais dit qu'il y a une question de relation de pouvoir entre... Donc, si vous voulez... Vous n'êtes pas forcément dans la meilleure situation pour, excusez-moi, imposer à votre directeur ou votre directrice en disant je voudrais que dans l'encadrement, il y a aussi tel ou tel autre. Mais ceci dit, actuellement, ça se développe de plus en plus, hein, des formules d'encadrement à plusieurs. Des expériences que je vois, si vous voulez, je pense, si vous voulez, que c'est à la fois les directions à plusieurs, que ce soit en co-tutelle ou que ce soit des cas de co-direction, c'est à la fois d'une grande richesse parce que vous confrontez des points de vue différents, hein, que vous n'êtes pas seulement avec une personne qui a un point de vue sur votre thèse et vous qui avez votre propre point de vue. En même temps, vous aboutissez quelquefois à des situations qui ne sont pas faciles à gérer. Je prendrai un exemple là, que j'ai en tête entre, par exemple, une étudiante. Elle avait effectivement un directeur, elle avait d'une certaine façon deux collègues, une collègue femme qui, elle, était habilitée à diriger la thèse avec plus d'expérience et un collègue homme qui, Et les deux, d'une certaine façon, n'avaient pas exactement les mêmes attentes par rapport à la thèse. C'est-à-dire que dans les deux personnes, il y avait, enfin, dans les deux qui apparaissaient plus ou moins comme co-directeurs, il y avait une qui était beaucoup plus exigeante et l'autre, c'est un peu simplificateur, qui était, enfin, on va dire, moins exigeant. Donc, du coup, si vous voulez, il faut savoir que dans les cas de co-direction, ça devient moins facile à gérer, hein, parce que vous allez vous dire à qui je fais plus confiance. Si je fais plus confiance à celui qui me dit oui, ça va, tu peux soutenir, oui, ça va, tu peux soutenir, ou est-ce que je fais plus confiance à l'autre qui me dit non, ça va pas, il faut retravailler encore. Je simplifie un peu les situations, mais ça ressemble souvent à des choses comme ça. Et ça se complique encore quand il s'agit de cas de thèse en co-tutelle. Là, je prendrai par exemple mon expérience où j'ai eu l'occasion de diriger une thèse en co-tutelle avec une collègue russe, bon, qui s'est d'ailleurs finalement très bien passée. Mais si vous voulez, le cas de l'étudiante russe, vous voyez, les attentes de ma collègue en Russie qui dirigeait la co-tutelle et les miennes, sur la manière de voir la thèse, la manière de se la représenter, nous n'avions pas les... Enfin, même si nous nous connaissions au départ, nous n'avions pas les mêmes exigences. Donc, si vous voulez, je pense que c'est des occasions qui sont à la fois très bonnes, parce que ça donne des points de vue différents, ça permet de relativiser, ça permet de voir qu'il n'y a pas un enseignant ou une enseignante qui a... Enfin, excusez-moi, qui a tout bon et l'autre, et l'autre non. Et en même temps, il faut savoir que c'est... enfin, je pense que pour la vie quotidienne, c'est quelque part un peu plus difficile à gérer. Mais vous savez mieux que moi. Oui, enfin, je ne sais pas. Moi, j'ai changé de directeur de thèse. D'accord, déjà. Ouais, d'accord. Au bout de 2 ans. D'accord. Mais j'ai refait une autre thèse, en fait. Ah, vous avez changé de sujet. Ouais, j'ai tout changé, en fait. Parce que le sujet n'allait pas, le directeur n'allait pas. Et ensuite, j'ai fait une co-tutelle. D'accord. Et du coup, la personne avec qui je voulais faire ma deuxième thèse, entre guillemets, n'a pas son HDR. Donc, d'accord, son habilitation à diriger des recherches. Donc, ne pouvait pas m'encadrer. Donc, j'ai trouvé quelqu'un d'autre pour qui l'avait, mais dont le sujet n'était pas forcément proche du mien. Et surtout, qui acceptait. Parce qu'en effet, c'est un peu comme un second mariage. Voilà, c'est pas toujours évident de se recaser, entre guillemets. Oui, mais c'est comme ça. Et du coup, j'avais deux directeurs, rien qu'en France. Ensuite, arrive la co-tutelle. Et en Belgique, on a ce fameux comité d'accompagnement, d'accord, qui est obligatoire. Donc, on a au moins 2 autres personnes, voire 3 autres personnes. Donc, au final, vous retrouvez avec 4 et demi, on va dire, directeurs de thèse ou encadrants qui doivent vous suivre. Donc, alors, pour l'ouverture, c'est très bien, c'est génial. Bon, il y a quelques discordances, mais bon... Je ne veux pas faire de mon cas une généralité, mais les gens, ça vivent en bonne intelligence quand même, au-delà. Oui, de... oui. Et il y a des différences culturelles, en effet, entre les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Russie, même la Belgique, il y en a finalement. Voilà. Donc il y a ça, il y a aussi des difficultés logistiques, mais que ce soit formel ou non formel, moi je trouve qu'on gagne beaucoup en général, je pense que je peux généraliser, à être suivi, ou en tout cas... suivi de près ou de loin par des enseignants ou des encadrants qui sont pas forcément des jeunes chercheurs, par exemple, qui sont plus proches aussi des préoccupations des doctorants que par les directeurs de thèse. Enfin, il faut ouvrir, hein, comme disait Marc Bessin qui est venu ici pour parler de ça, et aussi à l'IRIS. Il faut sortir du colloque, comment il appelle ça, le colloque singulier. Donc la relation. Attendez, pardon, il y aura une question ici, une question là, mais je finis pour prolonger. Donc ça c'est clair, si vous voulez, qu'il faut croiser les conseils de votre directeur avec des conseils demandés à d'autres chercheurs du laboratoire, qu'il faut trouver des lecteurs différents, qu'il faut se faire lire par des enseignants différents, éventuellement par d'autres étudiants chercheurs. En même temps, je dirais par exemple, il faut se méfier de ceux et celles qui auraient trop facilement tendance à vous dire c'est très bien, c'est très bien. Donc, à la fois, je suis 100% d'accord avec Sébastien qui dit oui, c'est bien d'avoir des relations avec un jeune chercheur dans le laboratoire qui va être plus proche de vous, qui va mieux comprendre vos préoccupations. Et en même temps, je vous dirais attention un petit peu à celle ou celui qui vous dira que ça y est, c'est très bien ce que tu as écrit là, vas-y. Et après, donc, c'est à vous vraiment à... Enfin, je veux dire, à partir de ces différentes expériences, à comprendre qu'est-ce qui est le mieux pour vous, d'une certaine façon, c'est est-ce que c'est la solution avec le directeur actuel et en même temps d'autres qui, à qui vous demandez des conseils, à qui vous, avec qui vous constituez une forme de comité de thèse un peu informel, ou bien bon, ou bien une vraie codirection. Mais les vraies codirections en France, à ma connaissance, ça n'existe pas beaucoup, beaucoup. La vraie co-tutelle existe en France, mais la vraie co-direction en France n'existe pas beaucoup. Mais est-ce que... Pardon, on prendra les autres... Mais on n'a pas répondu tout à fait à ce que vous voulez. Si, mais je me demande s'il faut mieux le faire de manière officielle ou officieuse, si ça va pas entraîner des conflits de... Ouais, c'est ça. Après, il ne faut pas, que ceux qui sont officiels se trouvent dans l'ignorance de gens qui interviendraient en second couteau, alors que... Si vous voulez, quand je vous l'ai dit au départ, il faut accorder du crédit à votre directeur, il faut que votre directeur vous accorde aussi du crédit. Donc si vous voulez, ce qui me semble important, c'est quand même de se mettre d'accord. Si on n'arrive pas à se mettre d'accord avec son directeur sur des modalités d'échange régulières, enfin sur des modalités d'échange régulières, ça complique un peu la vie. Donc c'est vrai que si vous voulez, si vous partez sur la base du fait que vous dites bon, avec le directeur ou la directrice actuelle, je lui reconnais plutôt de la compétence dans ce domaine, etc. C'est vrai que il vaut mieux tenir informé de différentes démarches. En même temps, par exemple, si je reprends par exemple l'exemple de l'IRIS, là, actuellement dirigé donc par Marc Bessin, si vous voulez, il y a par exemple ces ateliers d'étudiants qui s'organisent, et là, par exemple, un étudiant, il va pouvoir discuter de sa thèse avec tel ou tel autre chercheur du laboratoire, sans en référer forcément toujours à son directeur de thèse. Tout dépend de la relation. Enfin, je veux dire, s'il s'agit de faire lire un chapitre par X ou Y, il n'en est pas forcément obligé d'aller en référer à son directeur de thèse. Mais c'est vrai qu'introduire quelqu'un qui serait plus ou moins dans une position de direction, ça demande... dans la relation, d'en parler avec celui ou celle qui est le directeur, l'enseignant-chercheur responsable de la thèse au départ. Donc c'était vous d'abord. Oui, je pourrais témoigner de ma propre situation parce que je suis en train, je pense, de changer dans la mesure où celle qui me suit... Et excusez-moi, ça ne vous embête pas quand vous vous posez des questions de dire vous êtes en quelle discipline vous êtes et dans quelle institution. Je suis en sociologie à Paris 8, en 5e année. D'accord. Oui. Celle qui me suit dans la réalité, elle est professeure émérite et elle était déjà au moment d'accepter mon sujet de thèse. Donc il y a eu un arrangement avec un directeur non émérite donc, qui a signé en quelque sorte le sujet de l'inscription. En plus de ça, j'ai eu un co-directeur qui n'avait pas encore été HTR. La celle qui me suit dans la réalité et qui, je pense, fait partie des celles qui sont exigeantes, et il y a beaucoup de conseils, etc. Sauf que dernièrement, il y a des malentendus qui sont accumulés. J'ai senti qu'elle a fait retravailler un texte, recorriger, je renvoie la correction, elle recorrige, etc. Jusqu'à notre dernier rendez-vous, j'ai senti peut-être déjà elle préparait un éventuel transfert vers le co-directeur. Et je pense que... Mais on est en second terme. Je pense que ça pourrait se faire avec un accord amiable si le co-directeur, lui, est d'accord pour prendre le relais, en quelque sorte. En plus, le co-directeur connaît mieux le concept qui est le fil rouge de mon sujet. Celle qui me suit... dans la réalité, elle a découvert ce concept avec mon sujet de thèse. Voilà, c'était juste un témoignage. Oui, parce qu'en fait, les situations, moi, je pense, elles sont extrêmement complexes et différentes et qu'il y a des... Mais si vous permettez, oui, bien sûr. Une question, pour une question de temps, j'ai peur maintenant que le co-directeur, du coup, il va se plonger dans le sujet, lire mon texte, et que je vais perdre du temps encore, que j'ai senti avoir perdu du temps. Et oui, c'est pour ça que vous voulez. Ben, bien sûr. Enfin, je dis bien sûr, excusez-moi. N'importe quel enseignant qui. Enfin, pas n'importe quel. Une grande majorité des enseignants qui découvrent un nouveau travail d'étudiant, etc., ouais, ils vont avoir tendance à demander des choses nouvelles, à le voir autrement, etc. Et ça peut rallonger le temps de thèse. C'est la même question que pour les thèses en co-tutelle. Si on veut à la fois satisfaire aux exigences des universités belges et de l'école ici en France, ça a plutôt tendance à allonger le temps global de la thèse que si on travaille avec une seule institution. Bon, en même temps, ça enrichit. Si vous voulez, c'est pour ça que je disais qu'il y avait des prises de. Il faut vraiment que vous ayez dans la tête que c'est une prise de risque importante à s'engager dans cette thèse. Parce que personne, d'une certaine façon, ne peut vous dire absolument aujourd'hui, non, ne faites pas ça, ne prenez pas le. Parce que si le nouveau connaît mieux l'objet de votre thèse, etc., c'est très important. En même temps, là, je pense que c'est dans la relation que vous allez établir avec lui qu'il faut, d'une certaine façon, savoir expliquer sans mettre. Enfin, moi, je vous demanderais quand même de ne pas mettre le couteau sous la gorge aux enseignants, parce que moi, ça m'est déjà arrivé de voir, par exemple, un étudiant ou une étudiante qui devait absolument repartir dans son pays. Il fallait absolument soutenir la thèse dans les 2 ou 3 mois qui suivaient. Je me trouvais un petit peu avec le couteau sous la gorge. Donc, je pense qu'il faut que vous ayez aussi en tête, si vous voulez, il ne faut pas non plus prendre les directeurs et directrices comme des gens qui n'ont pas leurs propres contraintes. Donc, si vous voulez, il faut essayer, vous, de vous représenter quelles vont être les contraintes. Mais vous êtes en position tout à fait pour expliquer vos contraintes et pour. Y compris les contraintes économiques, les contraintes de temps, les contraintes à respecter. Et en même temps, je répète, parce qu'il y a très souvent, le moment de fin de thèse est souvent très difficile pour ça, parce que il me semble, si vous voulez, que c'était un des points que je voulais développer, c'est toute la question du pouvoir sur le temps des autres. Hein. C'est-à-dire que l'enseignant, il a d'une certaine façon une forme de pouvoir sur votre temps, et vous aussi, vous avez du pouvoir sur le temps de l'enseignant. Hein. Quand je disais, ne lui mettez pas le couteau sous la gorge, c'est-à-dire qu'il faut quand même un minimum respecter. Si vous voulez, il faut le tenir. C'est pour ça qu'il faut effectivement pas mettre votre enseignant dans une situation impossible. Il faut le tenir informé à l'avance de vos contraintes. C'est-à-dire que si vous avez des contraintes qui sont telles que la thèse doit être soutenue à telle date parce que vous devez candidater à tel ou tel poste, bon, mais il ne faut pas l'annoncer à la dernière minute. Enfin, bon, quelquefois, on apprend des choses à la dernière minute, on ne peut pas toujours tout gérer. Mais je veux dire, il me semble que dans cette relation entre l'enseignant et le doctorant, il y a vraiment cette attention, il doit y avoir cette attention mutuelle au temps, à la question du temps de l'autre. Donc, je suis doctorant au LIS, à laboratoire du FNAM, et je voulais voir tout à l'heure, c'est dans un manifeste, je suis en co-direction, c'est la personne qui m'a carré la mémoire, qui n'a pas l'habilitation, et donc du coup, on a trouvé un test pour une habilitation. Et il y a quelque chose que je trouve positif, quand les deux vont s'entendre d'abord sur l'aspect scientifique de la thèse, mais c'est qu'il y a partage des tâches qui se fait de manière plus ou moins consciente sur justement le travail scientifique et le travail qui est les conditions matérielles, économiques, c'est-à-dire que l'une recevra plutôt ses questions, ses préoccupations sur l'aspect scientifique, l'écriture, etc. Et l'autre dira, bon, ben, ce que tu as fait, tu vas faire un article, tu pourrais participer à telle manifestation. Donc, c'est juste ça, je voulais juste présenter cet aspect positif qu'il y a. En co-direction, ça peut être complémentaire dans ces cas-là. Puis après, juste pour rebondir sur ce que disait ces personnes-là, je ne sais pas si c'est ça, pour ça vous parlez, mais est-ce que c'est bien vu et quel impact ça a de changer de direction au cours de la thèse d'un milieu? Mais je pense que ça peut être, ça dépend tellement des cas de figure que c'est difficile de donner une réponse simple. Donc, je connais plusieurs cas, si vous voulez, je répète, où le changement de direction peut se faire sans qu'il y ait de gêne pour l'étudiant, parce que si ça correspond à une réorientation, si le changement de direction correspond à une réorientation de l'objet de la thèse, donc d'une certaine façon, si ça correspond à une réorientation de l'objet de la thèse, je veux dire, ça peut devenir clair pour tous que c'est mieux avec le nouveau qu'avec l'ancien. Bon, c'est vrai aussi que ça existe des cas, c'est pour ça que j'ai dit surtout ne quittez pas un directeur ou une directrice si vous n'êtes pas assuré de la suite, parce que dans certains cas, si un étudiant est connu pour... je ne sais pas, que ça s'est mal passé avec tel ou tel collègue, c'est vrai que ça peut lui porter un tout petit peu... Enfin, je pense que ça existe, que ça porte préjudice à l'étudiant d'être considéré comme celui ou celle qui s'est mal entendu et qui n'a pas voulu continuer à travailler avec X ou Y. Donc, c'est très difficile de répondre de façon générale, parce que je pense qu'il y a des cas où effectivement ça peut porter préjudice, mais heureusement c'est pas général du tout, et on peut tout à fait l'éviter. Est-ce que dans la foulée de ces, est-ce qu'il y a d'autres? Est-ce que le simple fait donc je travaille à Paris 8 en fait. Donc est-ce que le simple fait donc de changer dans le directeur, est-ce que c'est forcément interprété comme cela s'est mal passé? Parce que c'est pas forcément le cas en fait. Enfin, ça peut être qu'il y a des choses qui ne conviennent pas, mais ouais. Mal se passer, c'est assez fort en fait. Ça peut être que ça ne percole pas. Je répète. La personne est extrêmement débordée. Je me suis peut-être mal exprimée. Je veux vraiment dire qu'il y a des changements qui se passent très bien et qui ne sont absolument pas interprétés comme ça s'est mal passé. Ça existe tout à fait, j'en connais vraiment plusieurs. Et là, plusieurs ont témoigné de ce que ça peut tout à fait bien se passer. Mais je pense qu'en même temps, il faut avoir conscience quand on se lance dans ce... quand on est en train de penser à éventuellement changer, qu'il faut être conscient des risques qu'on prend, qu'il peut y avoir effectivement un discrédit qui peut être porté sur un étudiant qui n'a pas réussi à faire sa thèse, qui n'a pas réussi à faire sa thèse avec tel ou tel collègue. Oui, j'avais une autre question. Est-ce que, par exemple, ma directrice de thèse, elle avait l'air de dire, parce que j'ai exprimé un peu de difficulté à avancer en ce moment et j'ai peur de ne pas pouvoir finir à temps. Je pense à. Donc elle dit, oui, une thèse, ça se fait forcément seul. Est-ce que ça se fait seul? J'ai en tête une personne que je pense pourrait m'aider en même temps, mais qui ne fait pas partie de l'équipe, ni le co-directeur, ni autre, mais que le résultat de ma thèse pourrait l'intéresser. Est-ce que je peux contacter cette personne sans... Ça veut dire que c'est un sujet où il y a concurrence entre les directeurs qui s'occupent de ce concept, et donc... Ben oui. Donc merci beaucoup pour cette question, parce que vous insistez sur... en tout cas ce qui me semble une dimension importante hein, de la vie scientifique, de la vie intellectuelle actuelle et de celle d'avant aussi d'ailleurs, c'est cette concurrence très forte, si vous voulez. Il ne faut pas croire, hein, y compris quand vous êtes avec ceux et celles qui sont les accompagnateurs apparemment les plus près de vous, il ne faut pas croire qu'ils et elles ne sont pas dans la concurrence. Hein. Donc, ce monde de la concurrence scientifique, intellectuelle, entre les étudiants-chercheurs, entre les enseignants, entre eux, entre les chercheurs, etc., c'est fort, si vous voulez. Et je pense que ça existe aussi, la concurrence, y compris pour les étudiants. Excusez-moi, j'aime. Oui, en tout cas, j'ai le sens que... Est-ce que je peux légitimement demander de l'aide, entre guillemets, de quelqu'un d'autre? Mais si vous voulez, il y a tellement de manières de demander de l'aide. C'est de l'aide sur quoi, pourquoi? Ouais. Si vous voulez, si l'aide, ça consiste... Vous voyez, vous avez écrit 20 pages, 30 pages de thèse. Hein. Je prends un exemple. Vous avez 30 pages de thèse et puis vous avez vraiment envie d'avoir d'autres points de vue. Hein, que celui. Donc ça, moi, je pense que c'est... Je veux dire, il me semble que c'est vraiment très raisonnable. J'écris 20 pages, 30 pages, et j'ai envie de les donner à lire à telle ou telle personne avec qui j'ai des relations de travail et dont je respecte le jugement scientifique et qui va pouvoir m'aider, me donner des conseils. Donc, s'il s'agit d'une aide, me dire, là, je pense que je ne suis pas forcément obligée d'en référer au directeur ou à la directrice. Là, ce que je prends, c'est un exemple d'une demande ponctuelle. Vous voyez, d'une demande ponctuelle sur un point précis. S'il s'agit d'une demande d'encadrement plus importante, là, je pense, bon, on en revient à ce que disait Sébastien tout à l'heure. Je pense qu'il vaut mieux. Vous voyez, s'il s'agit d'une demande plus importante, je pense que c'est, disons que il vaut mieux essayer de nouer avec le directeur ou la directrice. Disons, on va dire en titre, des relations qui soient des relations où l'un et l'autre se reconnaissent, où se font confiance, où s'accordent du crédit. Bon, je dis en même temps, il ne faut pas attendre tout du directeur. Ce qui est absolument indispensable, c'est de... Ah oui, pardon, vous me disiez aussi... Est-ce qu'une thèse ça se fait seul ou est-ce que ça ne se fait pas seul? Donc, d'un certain côté, beaucoup d'enseignants vous diront, bon, c'est vous qui devez écrire la thèse. Hein. Donc, c'est votre responsabilité, c'est votre travail. Et en même temps, c'est vrai que dans ce monde scientifique où augmente la concurrence, bon, augmente aussi, heureusement, des formes de solidarité, des formes d'échange. Et je pense que c'est important, si vous voulez, de ne pas s'engager complètement seul dans tout ce travail. C'est-à-dire que c'est absolument nécessaire de croiser les avis, les conseils, les remarques de votre directeur ou de votre directrice avec ceux et celles d'autres chercheurs du laboratoire, d'autres chercheurs, vous pouvez avoir été invité une fois à communiquer dans une journée d'études, ou je ne sais pas, vous avez rencontré à l'extérieur, dans une autre institution, hein, ou une collègue qui s'est intéressée à votre travail, qui vous dit « oui, je serais content de lire votre travail ». Donc, je pense que c'est important, peu à peu, de développer des relations qui soient diverses et qui vous donnent des points de vue différents. En même temps, nous fonctionnons actuellement en France, puisque nous ne sommes pas en Belgique, dans un monde où c'est vrai qu'il y a encore où il y a une reconnaissance qui est encore assez forte du poids du directeur ou de la directrice de thèse. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas pousser le directeur ou la directrice de thèse, il ne faut pas le mettre dans une position... Peut-être uniquement sur si lui conseille de contacter une telle personne, peut-être. Oui. Oui, contacter des gens et se faire relire, c'est jamais un problème. Hein. Oui. Le problème, ce serait de dire je change de directeur parce que pour moi, ce serait juste un conseil pour condenser un petit peu. Bah oui, enfin, je sais pas. Il faut se demander. Enfin, je sais pas si de quoi on parle là. Est-ce qu'on parle du fait d'aller se faire relire à l'extérieur, enfin, du fait que le directeur serait le seul apte à relire tout ce qu'on fait? Je pense que non. Ça, c'est sûr, non. Est-ce qu'il faudrait changer de directeur à chaque saison? Je pense que non plus. Ce que je pense. C'est que il faut savoir quels sont les enjeux du changement du directeur de thèse. L'enjeu principal, bon, la réputation est importante, mais bon, d'un autre côté, il soutient 230 ou 250 thèses rien qu'ici à l'école des hautes études par an. On se rappellera pas de vous, hein. On se rappellera. Enfin, moi, je pense qu'il y a peu de chances. Ou alors, vous êtes vraiment dans un milieu très, très, très fermé. Qu'on se rappellera de vous au-delà de 15 jours après l'incident de la personne qui s'est fâchée avec son directeur de thèse. Je pense que c'est un risque relativement restreint, sauf si vous êtes dans un labo, vous voulez continuer, etc. Et que les choses se passent mal parce qu'on va vraiment au conflit. Mais ça me semble être vraiment un cas exceptionnel. Par contre, ce qui est en jeu, je trouve, c'est est-ce que la thèse pourrait être soutenue? Si vous pensez que votre relation, et ça reste une relation humaine et sociale, met en péril la capacité de votre thèse à être produite, alors là, oui, il faut changer. Sans ça, c'est jamais que 5 ans, 3 ans. Enfin, je parle du principe où le problème se pose non pas au début de la thèse, auquel cas là, il est facile de changer, mais si ça se pose au milieu ou si ça se pose plutôt à la fin, moi, j'ai envie de dire, continuez comme ça, et puis une fois la thèse terminée... Vous n'avez plus de compte à rendre à personne. Donc, faut pas surévaluer. Je ne sais pas pourquoi cette question du changement du directeur de thèse revient systématiquement, en fait. C'était pas ma question. Non, mais c'est, je ne sais pas. On n'y était plus. Ouais. Non, mais souvent, c'est. Mais je pense qu'il y a ce rapport de. Oui, comme vous dites, je ne sais pas comment. Moi, j'étais en demande de conseil à quelqu'un d'autre hors du réseau. Non, parce qu'il y a une. Conseil ponctuel. Pour essayer peut-être d'avancer un petit peu, je pense qu'il y a une question qu'on n'a pas évoquée, c'est celle des postures. C'est dans quelle on a évoqué les notions d'engagement, etc., de quelle est la nature des rapports, de la relation. Mais les postures, en fait. Parce que quand on est doctorant face à son directeur ou sa directrice, on est quand même dans une posture un petit peu déférente. Hein. Comme disait Jean Ferreux, qui est venu présenter aussi, bon, pas du tout sur les rapports avec le directeur. Il a parlé un peu du jury, il a fait un billet sur le carnet aussi. Dit le doctorant, il est dans une position déférente. Alors, c'est pas forcément une question de dominant-dominé, en tout cas pas surtout. S'il n'y a aucune relation sociale qui se fait sur un plan d'égalité, hein, ça, j'en connais pas, mais. Donc voilà, quelle est la posture et qu'est-ce qu'engage cette posture dans les relations qu'on devrait avoir avec les gens, quoi. Y compris de respect, d'empathie, de maîtrise du temps, de sursollicitation. Je pense que c'est un gros problème, la sursollicitation, surtout en début de thèse. Envers le directeur, où on lui écrit un mail chaque fois que j'en sais rien moi, pour tout et n'importe quoi, alors que c'est pas la personne qui répond à tout. Et puis du coup là, on a une réputation qui fait que les problèmes secondaires passent sur le même plan que les problèmes principaux. Puis le jour où on a un vrai problème qui dépend vraiment du directeur, bah, il y répondra avec moins d'attention parce que vous l'avez gonflé en lui envoyant 15 mails sur des détails dont il n'a pas la charge, pour le dire clairement. Non, merci beaucoup pour ces interventions, parce que je crois que c'est effectivement très important de savoir quelle posture adopter. Donc là, c'est vrai qu'il ne peut pas y avoir de recommandations valables pour tous et toutes, parce que c'est vrai que c'est... Bon, on disait que le moment de la relation disciple-maître... On croit, espère que c'est un peu fini, qu'on est dans un autre système. Donc, je veux dire, ce qui n'est pas attendu, ce qui ne va pas être attendu de vous, la déférence. En même temps, est attendu de vous. Enfin, je voudrais donner un petit conseil, c'est quand même à chaque fois que vous devez éventuellement rencontrer votre directeur, votre directrice, préparez vraiment cette rencontre. Si vous voulez, là, disons que c'est une question d'apprendre aussi vous votre métier, d'apprendre aussi votre métier. Donc, comme le disait Sébastien, de ne pas solliciter avec 15 mails sur des petites questions, mais préparer la rencontre, par exemple, par des questions, avec des questions précises, vous mettre d'accord avec lui, avec elle, est-ce qu'il ou elle, avant la rencontre, souhaite souhaite ou non un texte. Bon, il faut vraiment se mettre d'accord. Moi, je sais que je demandais toujours, je voulais pas voir un étudiant ou une étudiante si j'avais pas reçu une petite note qui me dit à l'avance de quelles questions on va débattre ou quelles sont les avancées de la thèse depuis la fois précédente, ainsi de suite. Donc, je sais que, par exemple, une de mes collègues me disait qu'elle, elle avait beaucoup apprécié un étudiant qui, chaque fois qu'il la voyait, lui rappelait très rapidement ce qu'ils avaient décidé dans la réunion, dans la rencontre précédente. Donc, si vous voulez, ce que je pense que c'est important dans la posture quand même, c'est d'essayer, vous me direz, vous attendez que le directeur ou la directrice, ils se mettent à votre place, mais vous essayez aussi un peu de vous mettre à la place de l'autre qui n'a pas affaire seulement à vous. Donc, d'une certaine façon, je dirais d'accord, pas de déférence, mais donner à votre directeur ou votre directrice les instruments qui lui permettent de vous aider le plus, enfin qui vous permettent d'avancer dans votre thèse, de vous poser de nouvelles questions, de voir comment vous orienter. Comment est-ce qu'il faudrait qualifier cette posture, je ne sais pas. Mais si vous voulez, si je reprends là ce terme que je disais au départ, si vous vous mettez dans la tête que vous êtes des étudiants chercheurs, je pense que c'est une manière de vous aider à définir la posture qui peut être la vôtre. C'est-à-dire que ce n'est pas exactement une posture où on va être sur... c'est pas le pied d'égalité avec le directeur, la directrice, etc. Mais c'est pas non plus la posture de l'étudiant qui attend tout du maître. C'est la posture de l'étudiant-chercheur qui a déjà un peu d'expérience de recherche, qui s'est confronté à son terrain, à son matériel, etc., qui a des arguments à faire valoir, etc. Excuse-moi, par rapport à ce que vous avez dit, ce qui appartient à la charge du directeur de mémoire, et qui nous aide, parce que mon directeur, il a été assez disponible. Et du coup, j'ai voulu essayer de rédiger des articles et des choses comme ça, et il a pris la peine de les relire et de m'orienter un peu. Et après, le réflexe, c'est que à chaque fois que je vais rédiger un article, je vais lui soumettre et en discuter avec lui. Et voilà, et là, je me demande si est-ce que c'est. Parce que du coup, c'est assez régulier. Et je ne sais pas si c'est fréquent et si je dois continuer comme ça ou si. Il y a un moment où, je ne sais pas si c'est trop lourd pour lui, en fait. Et vous le dira. Essayez de vous mettre d'accord avec votre directeur ou votre directrice. Je vais vous dire, si quelqu'un accepte de relire les différents articles que vous écrivez, bon, ça serait un peu dommage si l'autre est aussi d'accord de ne pas continuer à lui demander si effectivement... il ou elle vous aide à... vous permet de progresser pour vos articles. Mais, si vous voulez, ne demandez pas qu'à votre directeur ou à votre directrice de lire vos articles. C'est-à-dire, donnez-les aussi de préférence à lire à d'autres personnes, soit à d'autres membres du laboratoire. Ça peut être aussi à d'autres étudiants-chercheurs. Ça peut être... Bien sûr que la revue à laquelle vous enverrez vos articles vous donnera aussi un point de vue. Mais je pense que si vous voulez, de croiser les regards, de croiser les points de vue sur un texte qu'on écrit, ça enrichit fortement la conception et la production. Oui, mais c'est juste... je sais pas si le rapport avec les enseignants et avec les directeurs de recherche, si dans la charge, on peut se dire ils sont amenés à prêter aussi une oreille aux essais, aux tentatives des jeunes chercheurs. Mais ça dépend forcément des chercheurs. Mais... Non, en tout cas, je pense qu'il y a un moment venu où chacune doit savoir s'émanciper de son directeur, de sa directrice, ne pas être toujours en train d'attendre du seul directeur ou de la seule directrice qui vous donne son point de vue et ses certitudes. Mais je pense que ça existe dans la vie scientifique, des gens qui ont continué à donner, à lire leurs textes à tel ou tel de leurs, enfin, de leurs anciens maîtres ou de leurs anciens collègues, etc., qui ont continué pendant des années et des années. Mais en même temps, vous voyez bien que dans la vie scientifique, ça évolue aussi, hein, que c'est rare. Il existe quand même quelquefois des clashs dans la vie scientifique, des gens qui avaient pris, qui ont donné pendant longtemps à lire à tel ou tel, et puis tout d'un coup, ça se passe mal. Pardon. Mais je crois que j'ai pas compris le sens de la question. Qu'est-ce que... Le truc, ce serait de dire, je fais plus relire et j'envoie tout seul, c'est ça? Oui, c'est ça, moi j'ai senti ça. C'est surtout, où est-ce que... Est-ce que légitimement, on peut se tourner vers le directeur de mémoire en demandant... Légitimement? Ouais, c'est un mot que je comprends pas, légitimement. Chez les doctorants, j'ai jamais compris le sens de ce mot. J'aimerais un jour qu'on m'explique ce que ça veut dire légitime. Qu'est-ce que vous faites d'illégitime? Finalement, harcelant, si jamais on leur demande. Harcelant, oui, sursollicité, ça je comprends. Mais la légitimité, c'est de l'autocensure. Vous êtes légitime à tout faire jusqu'à ce qu'on vous dise qu'il ne faut pas le faire. Vous voyez la démarche? Parce que si vous faites ça, vous vous dites, est-ce que je suis légitime à faire ça? Et puis vous ne le faites pas. Et le but aussi, c'est de poser la question. Voilà, c'est ça. Il faut mettre. Est-ce que ça fait trop? Ouais. Je sais pas, dire stop, ouais. Si ça fait trop. Comme je disais, il vous dira si c'est trop. Et bon, après, je sais pas combien vous estimez devoir écrire d'articles, ça c'est autre chose. Mais enfin, je sais pas, vous lui envoyez 15 articles par semaine. Non, vous... non, non, non. Le monde là, mais c'est enfin, si vous voulez, je. Enfin voilà, c'est aussi les premiers moments pour moi où j'ai eu cette relation. Ouais. Forcément... Ouais, mais faut pas hésiter à en parler. C'est une relation humaine normale, comme un couple, comme un patron, comme un collègue, comme un ami, comme un parent. Elle se redéfinit en permanence. Il faut savoir ce qu'on attend les uns des autres dans la vie. C'est valable pour. Non, mais du coup, j'en profite puisque je suis dans l'atelier doctorant, ouais. Pour savoir si est-ce que c'est un peu le truc naturel ou. Ouais. Bah, il y a une question d'usage, ouais, mais bon, vous savez, si c'est trop, il vous le dira. Hein. Si vous donnez pas de nouvelles pendant un an. Vous allez avoir un petit mail. Non, mais ce que je pense, si vous voulez, non. En même temps, si vous ne donnez pas de nouvelles pendant un an, méfiez-vous. Hein. Parce que là, c'est la bonne hypothèse. Ça dépend du moment où on en est aussi. Oui, parce que là, vraiment, je vous encouragerais quand même à donner des nouvelles, à la fois ne pas harceler, mais donner des nouvelles quand même régulièrement. Parce que si vous ne donnez pas de nouvelles pendant un an, le directeur et la directrice, il peut se dire, tiens, celui-là ou celle-là, il me demande... Enfin, donc, je pense qu'il faut, c'est pour, en tout cas dans les choses sur lesquelles il me semble qu'il faut se mettre d'accord avec le directeur, la directrice ou les co-directeurs, c'est quand même les différentes échéances, la prochaine consultation, etc. Mais vraiment, ne restez pas un an sans laisser de nouvelles, parce qu'il y en a qui vous laisseront, tomber, et ça peut arriver aussi, hein, qui disent il ou elle ne m'a pas donné de nouvelles depuis. Alors, je suis d'accord, vous êtes légitime, vous pouvez tout faire, mais il faut vous dire que l'autre aussi, il est légitime et il n'est pas strictement obligé, puisque je dis là, dans la charte de thèse, on disait que le doctorant, il devait quand même tenir informé le directeur, la directrice de l'avancement de son travail. Donc, il faut, ça, je pense que c'est cette question du rythme auquel... Évidence, surtout les évidences invisibles, c'est celle dont on doit se méfier. Donc... C'est pas ce que j'ai dit. Non, j'ai pas dit que tout le monde est légitime. J'ai dit que je ne comprenais pas ce que voulait dire légitime. J'ai dit qu'il fallait définir justement Ce qu'on entend par légitime, non, de ce qu'on s'autorise... On doit mettre dans la relation qu'une coquille vide à la base les éléments qui nous semblent importants. Donc, en effet, il faut discuter pour savoir comment on veut que ça se passe. Et ce qui est souvent analysé comme une quête en légitimité qui, en fait, selon moi, n'a pas lieu d'être, puisqu'on n'a pas dit ce qu'il devait être. Oui, donc on va s'imaginer pas sur le mode d'une remise en question. Alors, on va s'imaginer une relation avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et s'imaginer une relation en fonction de notre propre cadre de référence de départ. C'est surtout sur ça que je voulais juste apporter un tout petit éclairage complémentaire. Donc, surtout les non-français, n'hésitez pas à mettre les choses clairement, à plat, oralement, par écrit. Et notamment, comme vous disiez, sur est-ce que je soumets un article, un chapitre, est-ce que je peux faire relire, est-ce que c'est de l'ordre de l'accepta, pas de l'accepta, etc. Encore une fois, je crois qu'il faut me poser clairement les questions de est-ce que vous m'autorisez à soumettre pour ci, pour ça. Enfin, la prudence prévaut parce que c'est quand même un monde de divas où les narcisses sont omniprésents et où les froissements, surtout en France, sont quand même légion. Je voulais aussi... Parenthèse. Il y avait une question là-bas. Il m'est arrivé de toucher un infocom à Paris 8. Il est arrivé d'assister à une soutenance et au cours de laquelle les deux critiques donc, de personnes dans le jury qui disaient que par rapport à cette thèse, donc on ne perçoit pas réellement ce que vous avez voulu démontrer. C'est un membre du jury, enfin deux membres du jury qui disaient à l'étudiant en question, même d'ailleurs votre problématique est quasiment inexistante. Moi je me suis dit, mais est-ce que ce n'est pas une critique aussi à l'endroit de l'encadrement? C'est tout l'enjeu de la soutenance. Ah, ouais. Oui, oui, non, non, mais là, quand je disais que la valeur des uns fait la valeur des autres, si vous voulez, c'était un peu en pensant à ces choses-là. Si vous voulez, le jour de la soutenance, c'est l'étudiant qui, enfin, l'étudiant-chercheur et c'est l'enseignant-chercheur aussi qui sont un peu évalués. Donc. Il y a la soutenance qui nous. Enfin, c'est l'exercice de se faire remuer comme ça aussi par son jury. Pour se faire un petit peu pousser dans ses retranchements. Ça, c'est le jeu normal d'une soutenance, et les questions vaches sont normales, en fait, et plutôt un très bon signe. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui n'a rien à dire sur votre travail, quoi. Or, quelqu'un qui va vous pousser, ou vous chatouiller, ou vous énerver, ou chercher à vous déstabiliser pour montrer que vous... C'est une soutenance, hein. On parle de soutenir. En Belgique, on dit défendre sa thèse. Ouais, voyez, la défense. Et je pense que c'est pas juste symbolique, ça veut aussi dire ce que ça veut dire, qu'il faut être ferme sur ses positions, etc., et pas en effet se cacher derrière son directeur ou je sais pas quoi. Bon. Après, il y a deux analyses, hein, en effet. C'est toujours à double sens. Hein. Le prestige du doctorant rejaillit sur l'encadrant, comme celui de l'encadrant, à la base, devait rejaillir, ou peut-être il rejaillira plus tard quand celui-ci devra le soutenir pour un post-doc ou pour n'importe quoi. Donc, c'est vrai. La soutenance, c'est le moment où se cristallisent toutes ces tensions scientifiques, les notions de publicité, de réputation, d'adéquation aussi, parce que voilà, vous entrez dans un club aussi hein, quand vous défendez votre thèse, quand vous soutenez votre thèse. Vous rentrez dans le club des docteurs et le jury se lève, vous dit « Monsieur, nous vous reconnaissons comme faisant partie de notre club ». Et donc la composition parce que là dans les relations entre le directeur-directrice et puis l'étudiant-chercheur, la question de la composition du jury, elle est très importante. Hein. En effet, on pourrait en parler aussi. C'est votre question qui m'y fait penser, parce que ça fait partie des négociations. Je pense par exemple, puisque là je l'avais dit au départ, hein, plutôt vu de France. Si vous dites, tiens, voilà, je pense très souvent, il va y avoir une discussion, un échange entre directeur, directrice et puis le doctorant sur la composition du jury. Mais par exemple en France, c'est plus souvent quand même l'enseignant qui va prendre contact avec les autres membres du jury que l'étudiant. C'est vrai que moi, ça m'est arrivé de recevoir des courriers, par exemple, de tel ou tel étudiant que je ne connaissais pas qui me demandait est-ce que vous voulez être dans le jury de ma thèse. J'étais vraiment étonnée avec cette demande parce que je me disais, mais ça, c'est pas normal. Parce que je me disais, celui ou celle qui doit me poser cette question, c'est... Donc, je veux dire, je suis d'accord, pas la déférence, pas tout ça, mais en même temps, c'est vrai qu'il faut essayer de comprendre un peu. Alors, on peut dire, on va transformer ces règles du monde universitaire, ça, je sais pas quoi, mais il faut essayer de connaître un tout petit peu ces codes universitaires. Parce que... Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord. Bon, la thèse, qu'il y ait des questions qui soient posées par les membres du jury, qui soient très critiques, c'est bien, mais il ne faut pas que ce soit un massacre. Non. Parce que le massacre, il laisse des... un petit peu chamboulé dans une soutenance. D'accord. Donc, parce que si vous voulez, dans la soutenance, il faut savoir hein, que de même que chacun qui débarque tout d'un coup dans une thèse, il a envie de refaire la thèse, mais dans une soutenance, il y a des membres du jury qui vont avoir envie de refaire la thèse complètement à leur manière. Donc, c'est vrai qu'on doit quand même attendre des membres du jury qui fassent attention à la manière dont la thèse a été construite. Enfin, je veux dire qu'il y a un respect pour le travail fait et ne pas vouloir, par définition, tout... Parce que ça, c'est vrai que c'est complètement désagréable pour... Enfin, c'est pas seulement désagréable, c'est non-respect du travail scientifique de tout... Enfin, vu de moi, de vouloir tout remettre en question. C'est-à-dire qu'il faut arriver à trouver des systèmes où il y a un accord un peu... Enfin, je ne sais pas, sur les règles du jeu scientifique, les règles de la vie scientifique. Sur votre troisième point, les rapports de pouvoir, on a déjà commencé à en parler, mais vous avez peut-être des choses à ajouter. Oui, le cas échéant, oui. Justement, c'est toujours sur ce point, donc l'étudiant peut essayer peut-être de recommander les profs sur la qualité, mais je souhaiterais que tel enseignant soit peut-être membre du bonjour. Est-ce que c'est possible? C'est-à-dire recommander à son cadre la participation de 1 ou 2 enseignants. Donc, je pense qu'on peut, qu'effectivement, que ça fait partie. Disons que l'idéal, c'est que ce soit. Ça, en tout cas, oui, c'est tout à fait possible de dire oui, je pense que ça serait bien si X ou Y venait dans mon jury. Et en même temps, bon, puisqu'on évoque la question des relations de pouvoir, c'est vrai que c'est le moment de la constitution du jury, je pense que c'est un des moments où ça peut s'observer le plus, que ce sont des relations de pouvoir qui se nouent entre l'un et l'autre, parce que si vous voulez, je pense que là, dans ce cas-là, c'est important de ne pas avoir un jury qui va être constitué d'une seule école. Hein. Je vous ai dit que j'étais sociologue, je pense que si dans votre jury, ce qu'on peut appeler la même école sociologique, c'est quand même pas génial. Donc si on est en France, il vaudra mieux avoir des Parisiens et des provinciaux. Donc si vous voulez, quand il s'agit de composer le jury, il ne va pas s'agir de vouloir avoir seulement celles et ceux que vous connaissez. Donc vous dites, tiens, ça serait très très bien qu'il soit il ou elle soit dans mon. Enfin, ça peut être très très bien qu'il soit dans votre jury, mais qu'il y a des contraintes différentes qui pèsent, qui font qu'il faut penser à avoir un. Enfin, je veux dire, ne pas constituer un jury, je répète, avec seulement des trop proches de vous qui ne poseraient justement pas qui n'auraient pas ce point de vue un peu distant et critique et nouveau sur votre travail, parce que je pense que c'est une des chances quand même les plus grandes un jour d'avoir été lu par plusieurs enseignants-chercheurs qui ont des regards différents. Donc c'est vrai que s'il y a un tout petit peu d'interdisciplinarité, si vous avez un objet de recherche qui est à la frontière, ce qui est quand même souvent le cas en sciences sociales entre plusieurs disciplines, c'est important d'avoir des points de vue de chercheurs, à ce moment-là d'avoir des points de vue de chercheurs, d'avoir une dominante dans une discipline, mais aussi des points de vue d'autres disciplines. Donc, oui. Je viens de parler de Descartes. J'ai une remarque et une question, juste une petite remarque sur l'aspect culturel. Je pense que, en fait, sans vouloir dire que ce n'est pas le cas, mais je pense que chaque étudiant, qu'il soit français ou autre, qui commence une thèse, forcément il est nouveau dans le milieu de la recherche. En fait, cet univers implicite dont vous parlez, c'est un problème pour tous les doctorants. Non, mais ça double quand il y a une dimension culturelle. Oui, d'accord. Mais je veux dire, on ne peut pas le réduire à ça. En fait, c'est pour tous les doctorants un problème. Et je pense que ce serait pas mal qu'il y ait là-dessus des formations ou autres que je n'ai pas encore vues. Enfin, il y en a de temps en temps sur comment devenir enseignant-chercheur ou quoi. Que faire après la thèse, mais pas pendant la thèse, en fait, comment. Et c'est, on perd effectivement un temps fou avec ça. Fais-le. Mais c'est comme ça qu'on a commencé, hein. Autour d'une bière en se disant, alors il y a vraiment plein d'aspects concrets de la thèse qu'on ne connaît pas. Si on faisait un séminaire qui s'appelait les aspects concrets de la thèse. Non, mais c'est vrai. Et après ma question, le thème aujourd'hui c'était donc que faire des. C'était les relations. Donc au départ c'était la relation directeur-directrice étudiant-étudiante que j'ai souhaité transformer en les relations parce que je pense que. Parce que moi ce que j'avais vu comme titre c'était que faire des conseils ou de la prise de conseils. Ah oui, ça c'est. Ouais. Enfin en tout cas c'est la même. C'est en gros là-dedans. Oui, ouais. Donc moi ma question était là-dessus. Enfin, ce que vous avez dit sur les conseils, il faut les respecter. Et puis. En fait, je n'ai pas dit les respecter forcément, j'ai dit qu'il faut leur faire du crédit et qu'il y en a qu'il faut pas les prendre au pied de la lettre non plus. Hein, ça, j'ai dit ça, j'ai bien clairement dit qu'il ne faut pas les prendre au pied de la lettre, mais qu'il faut plutôt faire crédit, mais qu'il faut savoir les jauger. Et alors, vous voulez savoir que faire quand on ne donne pas de conseil. Sur l'absence de conseil. Face à un directeur de thèse, bon, pour quelconque raison, il n'a pas le temps ou il n'est pas intéressé. Qui donne très peu de conseils finalement, qui on lui soumet un travail et on a très peu de retours dessus. Donc on sait jusqu'à un stade avancé pas exactement en fait quelle est sa position, ce qui peut justement laisser penser que à la soutenance ça peut poser problème. ou alors il ne veut pas discuter de certains aspects concrets parce qu'il n'a pas le temps, ou parce que ça n'intéresse pas, ou parce qu'il ne veut pas réfléchir à la question de comment on va, quand est-ce qu'on va constituer le jury, comment on va le faire, ces choses-là, en fait, que faire face à cette situation où il y a un directeur de thèse qui ne prend pas position par rapport à... Ça dépend des gens, c'est tellement variable, ce serait trop facile de dire il faut faire comme ça et vous aurez ce que vous voulez, quoi. Il y a des gens trop occupés, il y en a sans doute qui ne s'intéressent pas, qui prennent des doctorants et bon, finalement, ils ne les suivent pas. Il faut dire la réalité, oui, c'est oui, pas oui, un tabou. Tout à fait. Non, tout à fait. Souvent, il y en a qui ne vous disent rien et qui, en fait, c'est un très bon signal, parce que quand ils ne vous disent pas que ce n'est pas bon, bah, ça veut dire que c'est bon. En tout cas, si on veut positiver un petit peu, autant le prendre comme ça. Je ne sais pas, il y a des gens qui sont injoignables. Ce qui est très différent d'être d'être occupé, en fait. Injoignable ne veut pas dire occupé, au contraire, souvent. Non, donc, mais alors là, pardon, sur les injoignables, je voudrais quand même vous dire, c'est qu'il faut essayer de comprendre quel est le système le meilleur. Parce que vous en avez, par exemple, qui ne répondent, qui ne veulent pas être dérangés, je dis des bêtises, mais qui ne veulent pas être dérangés au téléphone. Ouais. Mais bon, il y a ceux qui ne répondent jamais aux mails. C'est-à-dire, ils ne sont pas forcément complètement injoignables. C'est-à-dire, quelquefois, il faut quand même apprendre à comprendre quel est le meilleur système pour les joindre, hein, parce qu'il y en a certains, ils pourront préférer être joints à la fin du séminaire, venir les voir, demander. D'autres préféreront que ce soit seulement par mail. Bon, d'autres plus rares maintenant donneront le téléphone, etc. Donc, complètement injoignables, disons qu'il faut se mettre dans la tête qu'ils sont peut-être joignables, je dirais quand même, mais qu'il faudrait arriver à trouver les moyens pour qu'il y ait ce minimum de joignable et comprendre quelle est la façon quand même qu'ils préfèrent pour les joindre. Parce que si vous essayez de joindre par téléphone quelqu'un qui déteste le téléphone, là vous êtes foutu, vous êtes perdu. Oui, mais après il y a ceux qu'on peut joindre, mais qu'une fois qu'on leur parle, ils disent qu'ils ont lu un travail et en fait dans leur réaction, on voit bien qu'ils n'ont pas lu. Mais encore une fois, il faut faire preuve d'empathie. Hein. Votre thèse, à vous, c'est 95% de votre temps utile. Votre thèse pour votre directeur, c'est 5% de son temps utile. Donc vous n'êtes clairement pas la priorité. Je dis ça, mais en tout cas, moi, j'ai jamais ressenti être là. Et je trouve ça normal, il faut juste le savoir, en fait. Hein. Parce que, il y a quelquefois, quand même, des directeurs ou des directrices, quand approche le moment de la soutenance, où la thèse devient quand même, je ne veux pas dire la priorité, mais c'est beaucoup plus que ça. Mais à la fin, on voit ce rapport qui s'inverse. En fait. Oui, au début, on sollicite beaucoup son directeur pour X et Y, donc la relation se calibre un petit peu. Il y a le fil, et puis à la fin, c'est plutôt votre directeur qui va vous solliciter pour vous dire alors un chapitre. Et là, vous voyez qu'il est intéressé. Mais je pense que c'est cette période creuse au milieu où vraiment on construit sa relation, et on élabore quelque chose qui va capter l'attention, qui est la plus dure à tenir, parce qu'on se dit, mais j'écris, et puis finalement, il lit jamais, il répond jamais, et puis au final, ça marche. Donc voilà. Moi, je pense que c'est une question aussi, comme on disait, de vision du temps. Et d'autre part, si vous voulez, il y a quand même aussi de savoir si scientifiquement, vous êtes à peu près... Enfin, je veux dire, si vous partagez un peu les mêmes points de vue ou pas du tout. Parce que ça, je pense quand même qu'arriver en troisième ou quatrième année de thèse, etc., vous devez bien savoir si vous avez un petit peu participé à des séminaires de votre directeur ou de votre directrice, vous devez bien savoir quand même si en gros... vous avez tendance à analyser un peu de la même façon ou pas du tout de la même façon. C'est vrai qu'il peut y avoir une incompréhension complète si vous êtes inscrit avec quelqu'un qui ne voit pas du tout de la même façon. Je voudrais, dire juste une seconde pour répondre à la question de tout à l'heure, parce que j'aurais pas le temps de tout évoquer, mais à propos quand même, puisque j'avais dit que je parlerais un peu des relations de pouvoir, dire juste un mot. Dans ces relations de pouvoir, une des données qui me semble importante, c'est toute la question du pouvoir sur l'information, hein, si vous voulez. Et ça me semble qu'effectivement, l'enseignant-chercheur, il y a des chances qu'il ait plus d'informations différentes, un volume d'informations à la fois, qui est plus important que vous. Et donc, si vous voulez, moi je pense que le pouvoir sur l'information, c'est... Enfin, donner ou ne pas donner des informations, c'est une chose... je ne sais pas, moi. Bon, il y a un numéro de revue qui peut intéresser, ou il y a un colloque, ou il y a des bourses, ou il y a ceci, il y a cela. Donc, cette question, en tout cas, du pouvoir sur l'information me semble très importante dans la... dans la et inversement, l'étudiant chercheur, peut apporter, si vous voulez, parce que moi je pense qu'il faut se mettre dans la tête que l'étudiant chercheur, il peut aussi intéresser il peut super intéresser le directeur ou la directrice, parce qu'il va lui apprendre tout d'un coup l'existence d'un article, je sais pas moi, sur l'existence d'un article, l'existence de d'un développement, l'existence d'une journée d'études qu'il ou elle ne connaissait pas. Donc mettez-vous dans la tête que vous aussi vous avez des informations, enfin qu'il y a des informations que vous pouvez transmettre ou ne pas transmettre. Mais ça, enfin, en tout cas, il y aurait eu d'autres points sur ces questions de. Non, et puis après, bon, bien sûr, à propos des relations de pouvoir, bon, bien sûr, un des autres points qu'il aurait fallu développer, c'est les situations d'abus de pouvoir, hein, si vous voulez. C'est-à-dire, je pense, enfin, c'est en m'appuyant sur Norbert Elias, si vous voulez, que des relations de pouvoir, il y en a dans toutes les relations sociales, ça existe, hein, il ne faut pas croire. Hein, Norbert Elias écrit que le pouvoir, ce n'est pas une amulette que les uns détiennent et que d'autres n'ont pas, que le pouvoir est inscrit dans les relations. Mais disons qu'il peut y avoir des situations d'abus de pouvoir où là, l'enseignant-chercheur. Bon, les enseignants-chercheurs, il peut leur arriver d'abuser de leur pouvoir et arriver donc de faire traîner le temps de la soutenance, arriver à faire traîner le temps de la lecture, de la relecture. Alors j'en reviens quand même à cette question de la lecture et de la relecture en m'appuyant sur mon expérience. Donc il faut vous dire que si vous donnez, il y a les chapitres qu'on donne à lire, à relire. Je prends par exemple l'exemple d'une étudiante qui faisait sa thèse avec moi. Et d'une fois sur l'autre, c'est vrai que je renvoyais le chapitre, j'avais fait des corrections, etc., des propositions, des questions. Et d'une certaine façon, ça y est, 15 jours après, j'avais déjà le même chapitre, mais qui d'une certaine façon n'avait pas tenu véritablement compte des. Vous voyez, donc à ce moment-là, ça peut. Enfin, je veux dire, c'est à vous aussi de faire le travail, je veux dire, pour ne pas redonner le même. Je veux dire, il peut y avoir une fatigue du directeur ou de la directrice qui tient au fait que vous, enfin, ou pas, ou un autre, vous n'avez pas, d'une certaine façon, pris véritablement en compte. Alors, je répète, personne n'est obligé de prendre en compte tout ce que les enseignants-chercheurs, le directeur dit, mais je pense que si on est inscrit avec X ou Y, c'est plutôt avec l'idée de prendre quand même un peu en compte ce qu'il ou elle dit. Mais ça, c'est un point de vue, je vous ai dit, venant de mon expérience plutôt. Mais j'ai aussi préparé une thèse dans le. J'aurais pu parler de mon expérience d'étudiante en thèse. Pardon. Je pense que peut-être c'est plus rare, mais il faut tenir en compte aussi que parfois, les choses ne vont pas marcher. Donc le directeur n'ira pas faire son travail, il n'a pas de qualité, et vous perdez votre temps. Et n'importe si vous le contactez par mail, par téléphone, si vous essayez de communiquer, etc., il y a d'autres problèmes plus graves. Et donc, dans ces cas, c'est toujours une décision très difficile. Mais il faut parfois évaluer et dire ça ne va pas. Et vous devrez chercher un autre ou aller à l'étranger parce que. C'est pas toujours que c'est quelque chose de superficiel que vous irez résoudre pour ça. Mais là, en tout cas, ce que vraiment je conseillerais, c'est d'en parler avec d'autres, si vous voulez, d'en parler avec d'autres étudiants qui sont inscrits en même temps avec. Non, mais disons que je pense qu'il faut confronter son expérience avec celle d'autres étudiants-chercheurs inscrits pour voir si les autres ont le même sentiment ou s'il y a quelque chose à repenser. Et d'autre part, répète, ne pas hésiter quand même à en référer au directeur de laboratoire, au responsable de l'école doctorale, ou éventuellement, moi je pense que celle qui joue aussi des rôles très importants, enfin je pense ici par exemple, la secrétaire de la formation doctorale ou le secrétaire de la formation doctorale, peut-être quelqu'un qui peut d'ailleurs quelquefois vous aider très bien à comprendre pourquoi il y a quelque chose qui ne va pas très très bien dans la relation. Mais c'est vrai qu'à certains moments où il faut. Enfin, moi je pense qu'il vaut mieux si on doit arriver à un cas de changement, confronter son expérience avec d'autres pour ne pas prendre cette décision qui est quand même quelque part un petit peu... Enfin, elle peut ne pas être lourde, hein, je répète, le changement peut se faire dans un accord complet entre tous, mais dans certains cas, ça peut être un peu lourd, parce que l'enseignant qui ne veut pas lâcher un dossier, il va pouvoir faire traîner le moment où il signe le document, etc. Moi, je voulais juste revenir sur un point qu'on a abordé un peu, c'est la co-direction, parce que je trouve ça assez délicat de mon point de vue. Je ne vois pas très bien comment amener l'idée d'une co-direction avec mon directeur de recherche. Par exemple, si j'y pense, comment lui dire? Est-ce que lui, il a trouvé ça pertinent? Parce que, comme il a été dit, ce qui est intéressant aussi dans une co-direction, c'est qu'il y a un peu une complémentarité qui ne soit pas forcément sur les mêmes positions. Et du coup, présenter ça? C'est-à-dire la co-direction, en fait, c'est comme la co-tutelle. Il vaudrait mieux qu'elle se décide au tout début de l'inscription en thèse. Parce que c'est vrai que c'est plus... Enfin, je pense que c'est plus difficile à proposer. Moi, je pense que c'est vraiment là le moment où, après le master, on commence la thèse. L'inscription en co-tutelle, si je ne dis pas de bêtises, l'inscription en co-tutelle, elle peut attendre la fin de la première année de thèse. Mais je veux dire, il vaudrait mieux que toutes ces choses-là se jouent dans la première année de thèse, parce que je pense d'une certaine façon, elles s'inscrivent beaucoup plus facilement quand c'est au début du processus qu'on pense à ça. C'est sans doute un petit peu plus compliqué à gérer quand plus tard on se dit. Mais c'est vrai que c'est pas simple de répondre à vos questions, parce que je pense que les situations sont tellement différentes selon les disciplines, selon les laboratoires, selon les institutions. C'est pas votre question, c'est comment vous devriez lui en parler. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Je vais vous répondre quelque chose de très simple. Ça, c'est votre problème. Heureusement qu'il est là. Non, mais c'est vrai. Personne ne peut vous dire comment vous devriez aborder ça avec votre directeur. Je ne connais pas votre directeur. Pas votre sujet. Je ne sais pas quel serait l'intérêt à faire une co-direction. C'est à vous d'évaluer ça, de présenter, et puis vous dire oui, ou j'en sais rien. Mais je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise par rapport à ça. Oui. Par rapport à. Dans le dernier point, vous continuez de parler des transformations au sein du milieu. Je pense que c'est important, parce qu'il y a beaucoup de remarques qui sont sous le ton plus individualisant, c'est-à-dire c'est nous par rapport à notre thèse, on va se poser une question et une interprétation. Je pense que les collectifs de travail, notamment les laboratoires, les séminaires, c'est vraiment quand même très important, et notamment par rapport à la question de l'information, par la question scientifique, la économique. Le fait de multiplier les espaces comme ça, d'avoir des relations donc, qui sortent en dehors de la relation entre l'interprétaire et l'interprétaire, pour moi, c'est vraiment nécessaire, et d'autant plus aujourd'hui avec le contexte qui est un peu plus difficile pour. C'est vrai que c'est une remarque qu'on a souvent, en fait. Hein, c'est que le poids de la même. Par exemple, comment on est arrivé à avoir Monique de Saint-Martin avec nous aujourd'hui? Parce qu'on écrivait, on dirigeait le bouquin avec Moritz sur l'écriture, et on s'est dit, il nous faut quelque chose sur les rapports du directeur de thèse, peut-être la soutenance, et puis on cherchait. Puis en fait, Cyril Lemieux, qui était venu une fois ou deux fois au séminaire, je crois, on l'avait sollicité, et puis il avait écrit un autre papier récemment en rapport avec ça, et puis voilà. Je lui ai dit non, mais je peux pas, ça m'embête, j'aurais bien fait, mais je suis pas libre, et puis voilà. Donc ils ont fait un compromis. Et donc Cyril nous a dit, mais je connais quelqu'un qui est très bien, cette personne s'appelle Monique de Saint-Martin, vous allez voir, ça va l'intéresser. Et en effet, elle a dit oui tout de suite. Et donc Cyril Lemieux, quand j'ai eu l'occasion de lui en parler, lui il m'a dit, moi j'avais pas tellement l'expérience, c'est vrai puisqu'il est jeune directeur donc il disait, je dis pour expliquer sa défense. Oui. Sa défense c'était de dire, moi j'ai pas encore dirigé tellement de thèses, enfin puisque de fait il avait accompagné beaucoup d'étudiants, il avait dirigé des masters, etc. Mais la thèse elle-même, il ne l'avait pas dirigée. Donc c'est vrai que dans mon point de vue, je répète ce que j'avais dit, c'est vrai que c'est un peu le point de vue de quelqu'un qui essaie à la fois de mettre à votre place, mais qui prend aussi en compte le fait que, enfin le point de vue bon, le point de vue des enseignants-chercheurs. Donc il y a une chose sur laquelle je n'étais pas tout à fait d'accord avec Sébastien tout à l'heure, c'est que moi je pense quand même, en tout cas ici à l'école de haute étude, par exemple si c'est en sociologie, les enseignants-chercheurs, ils se connaissent tous. Ils disaient, oui, il y a 250 thèses, tout le monde va... Mais par exemple, si c'est la sociologie, les enseignants-chercheurs entre eux, ils se connaissent tous très très bien. Donc par exemple, si on sait que vous êtes inscrit avec, avec X et vous avec Y, je veux dire, tout de suite, l'autre, il va vous classer de telle ou telle... Enfin, je veux dire, il y a un système de classement très fort en fonction... du directeur avec qui vous êtes inscrit, ainsi de suite. Il y a des réseaux quand même, et en anthropologie, ça serait pareil. Donc, il y a des réseaux d'interconnaissance qui sont quand même très forts. Donc, à la fois, je veux dire, on n'est pas vraiment connu, mais on est quand même, on est quand même bien connu. Pour finir l'histoire sur Cyril Lemieux, ouais, qui est, donc n'a pas écrit le papier, puisque c'est Monique qui nous a fait la gentillesse de l'écrire. Et c'était le papier qui était que faire avec les conseils, ouais. Pas les conseils. Mais aujourd'hui, il m'avait dit que je ne devais pas parler de ça. Aujourd'hui, je devais parler des relations. Franchement, on a parlé un peu de tout. Hein. Ouais, oui, non, donc, bref, on a quand même fait relire l'intro du bouquin à Cyril Lemieux, qui nous a dit, mais il y a quand même un truc qui me dérange, qui m'interpelle dans votre démarche, c'est le poids de l'institution par rapport à la manière dont c'est, pour employer un vocabulaire peut-être un petit peu dépassé, j'ai envie de dire, réincorporé par les doctorants, notamment ces questions de légitimité, etc. On traîne avec nous, vraiment, on charrie des espèces de, je sais pas, des traditions ou des manières de faire, des usages qui font qu'on se pose des questions de légitimité, etc. Qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que les rapports sont vraiment individuels? Et moi je trouve que il a raison en fait, que l'institution pèse, mais d'une manière souvent très discrète, qui nous laisse penser, et c'est ce que dit en substance Becker aussi beaucoup dans ses bouquins, hein, que les problèmes qui sont en fait très liés à des questions d'institution, enfin plutôt d'individus dans des institutions, ces individus les considèrent comme étant des problèmes personnels et qui sont propres à eux, ce qui fait qu'on a systématiquement les mêmes questions à toutes les séances, toutes les années, avec tous les doctorants, quelle que soit la discipline, quelle que soit l'institution, quel que soit leur niveau d'expérience. Donc il y a cette espèce de récurrence en fait qui est assez, assez bizarre et qu'on ne peut que remarquer dans la formulation des questions, dans la posture que les gens ont. Donc, par rapport à ça, oui, vous avez raison. Le poids institutionnel est fort. Est-ce qu'il est plus fort? Est-ce qu'il est moins fort? Ça se transforme. Le mandarinat est moins fort. La contrainte d'évaluation quantitativiste, les logiques gestionnaires, est plus forte. Nous, on est pris là en tant qu'individu dans des logiques qui nous dépassent parce qu'elles sont plus fortes que nous et en plus, souvent, on n'en a pas conscience. Donc, en effet, la solution, c'est sans doute de faire des structures d'information. C'était notre point de départ. Mais... je pense que c'est surtout de créer des espaces de réflexion collective, beaucoup plus que de l'information, parce qu'en fait, l'information, elle existe. Et c'est plus des espaces de réflexion. Donc, c'est vraiment un ça. Si on voulait vraiment faire du prophylactique et du prescriptif, ce qu'on ne fait pas, ce serait de dire, créez vous-même, je suis tout à fait sérieux quand je dis ça, créez vous-même des groupes informels. Mais par contre, il y a une précaution à prendre, c'est de mélanger les niveaux d'expérience dans ces groupes. Ah oui, tout à fait. Ne surtout pas s'enfermer entre doctorants, parce que là, ça va devenir un groupe de soutien psychologique pour doctorants en détresse. Et je parle d'expérience, parce que... Donc créer des ateliers. Donc, c'est vrai, créer des ateliers de... On va se faire jeter dehors. Ouais. Donc, je remercie beaucoup. Merci à vous. Merci à Sébastien. Vous avez le temps pour moi un café? Ceux que ça intéresse, on peut se retrouver en bas et aller boire un café en face, si vous voulez, avec les amis. C'est vrai qu'on parle.